Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On s'est encore régalé. Hein, mais tous les soirs, on prend vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous. 20h, 23h, Love in Fun. Je rappelle le Facebook, la page Love in Fun sur Twitter, hashtag Love in Fun pour réagir à tout ce qui se passe pendant la soirée sur Fun Radio. Ils sont de retour. Hier, ils étaient à Noyon, hein, c'est ça. Chez un auditeur, il paraît que c'était Picardie. C'était un truc de fou. C'était top. C'est Mickaël, No Limit. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va bien, de retour. Eh oui, de retour de Noyon. On s'est bien marré d'ailleurs en Picardie. Hein. C'était non, très sympa. Et contre toute attente, oui, il y avait du soleil. Mais faut le dire quand même. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y en a plein qui disent. C'était le jour de l'année. Bah écoute, il y en a eu deux hein, pour le coup. Donc vendredi et dimanche, il a fait plutôt beau. Donc on était bien chez Olivier hier, que je remercie encore une fois pour l'accueil, etc. Pour la cuisine, les assiettes cassées. Les assiettes cassées par Tof. Ouais. Voilà. Mais je tiens à signaler que ses élèves lui en ont filé deux nouvelles. Ah, donc j'aurais peut-être dû en casser plus, il aurait eu un meilleur service. Oui, casser toute la vaisselle. Pas faux. Alors bon. Souvent quand on part comme ça en déloc, il y en a toujours un qui nique dans l'équipe. Ouais, bah là non. Enfin, a priori, hein, sauf si Tof, non. Si, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Si, Minette. Ouais, le chat, oui. J'ai acheté Minette. T'as raison, n'importe quoi. On dérape là. C'est clair. Bon, ben, bonne soirée Lottie à vous. Le s'est appelé chatte. C'est ça, gros bisous. Chatte velue. Et à demain 20h. À demain. Salut. Et nous, on est parti jusqu'à 2h. Ciao. Moi, je me masturbe. 23h, 2h. Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Et on est là en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça y est, on est de retour de Noyon. Ah ben, il y a moins d'ambiance ce soir que hier quand on était à 30 dans le salon d'Olivier. Hein. Oui, c'est, ça change, t'as vu un peu. Ça change un peu. Hein. Bon, on était en direct de chez Olivier, justement, un auditeur prof de maths, chez qui on était d'ailleurs bien. Je tiens à le remercier encore une fois de nous avoir accueillis. On était vraiment, vraiment bien accueillis. Donc, si vous avez envie qu'on vienne chez vous, dites-le nous. Hein, qu'on prépare la prochaine émission, là, hein, d'ici quelques semaines. Hop là, on va essayer de gérer ça dans un mois, là, qu'on puisse aller quelque part encore. Non, mais c'est vrai, ça peut être bien. Donc, si vous voulez qu'on vienne chez vous, comme on a été chez Olivier hier, qui était le premier, donc n'hésitez pas à nous le dire. Appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. En attendant, on est en direct sur Fun Radio de 23h à 2h du lundi au jeudi et puis le dimanche également de 20h à minuit. Continuez bien sûr à le dire autour de vous et dites à tout le monde, prévenez-les qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs. Bon, J-4 avant la Saint-Valentin. Oh la fin du monde approche. Oh mon dieu. Ah bah oui. Oh. Oh Léo, est-ce que t'as prévu quelque chose Léo? Non, moi rien du tout. T'as rien prévu pour la Saint-Valentin? Est-ce que t'es tout seul peut-être, non? Ouais. Ah bah voilà, donc c'est peut-être... Eh oui, c'est peut-être ça aussi. Note, ça te fait des économies. Quitter tout seul le 10 février, autant encore attendre 5 jours. Hein. Bah oui. C'est pas la peine de tomber sur une meuf maintenant, ça va te coûter un bras, le 14 ça sert à rien, donc bon très bien. Donc toi t'as rien prévu pour le 14 février, ah ok non, rien du tout, ouais. Bon attends, il y a Damien aussi qui est avec nous là, des Bouches du Rhône. Salut Damien. Salut l'équipe, ça va? Ça va bien et toi? T'as prévu un truc ou pas toi pour le 14 février pour la Saint-Valentin? Ouais. C'est quoi? Alors petit sauna, séance de massage et petit restaurant. Oh, qui va te coûter la bagatelle de... Pas loin des 200. Oh, ah oui, tu t'es mis bien. Ah oui, il s'est mis bien lui. T'es avec ta meuf depuis longtemps? Ça va faire 3 ans en juin. Ah ouais, quand même, et ça continue à mettre de l'oseille, c'est bien, non? C'est bravo, bien, c'est bien, bravo. Ouais, mais c'est parce qu'il doit se rattraper comme il l'a trompé, ouais, la semaine avant. c'est peut-être, ouais. Bon, dites-nous les autres, hein, si vous avez prévu un truc, hein, on en parle évidemment jusqu'à minuit et puis jusqu'à vendredi surtout, puisque bah, Saint-Valentin arrive et c'est forcément le moment où il va y avoir beaucoup de bastons dans les couples. T'as pensé à moi? Bah non, je croyais qu'on s'en foutait. Oui, mais non, mais il faut tout expliquer. Alors si on fait des cadeaux, tu comprends rien. Ouais, mais non, mais tu m'as pris pourquoi? Ça sert à rien à Saint-Valentin. Bah ouais, mais je pense de faire plaisir. Ouais, mais en fait non. Bon bref, une angoisse totale évidemment cette Saint-Valentin. Hein. Donc si vous avez prévu un truc, dites-le nous, n'hésitez pas. Bon comme tous les soirs, eh ben c'est vous qui prenez le contrôle de la radio, vous nous appelez donc 01 42 48 5000 02 851 4x0, c'est le numéro de téléphone depuis la Belgique et vous passerez à l'antenne pour parler de ce que vous voulez. Comme tous les soirs, il y a Sandro qui décroche le standard. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Il y a Tof qui va faire chier des gens comme d'habitude. Je t'encule au passage. Voilà, hein, c'est. Ça fait enculer. Tout simplement. Hein. Donc, on fera d'autres appels tout à l'heure. En toute simplicité. Ah bah, comme d'habitude. Et puis, Polo va continuer évidemment à jouer du pipeau. Il n'a pas joué de pipeau ce week-end. Hein. Il n'a pas été assez motivé. Ouais, je ne sais pas où. J'ai des aftes. Ah, c'est à cause des aftes. T'as fait des cunis? J'ai bouffé une chatte, ouais, je peux l'avouer maintenant. C'est voilà. Ça, ouais. Ouais, la chatte d'Olivier, notre auditeur, la Minette, c'est ça quand même. C'est oui, ça, c'est Minette. Ça. Minette, ouais, c'est ça. Elle était bon. Très charmante. Ah bah, tu m'étonnes. Et puis, ce soir, on aura aussi des sous-vêtements à vous offrir, des boîtes à désir, My Crazy Collection, offert par lesdessous.fr. Et ça vient de chez Aubade, hein, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a reçu la boîte, hein, on va vous les montrer, on va faire une petite photo, comme ça vous allez voir ce que vous allez pouvoir gagner. Et puis, on en a plein à vous en offrir toutes les 30 minutes, ça tombe toute la semaine. Oh, c'est beau. Ah bah ouais, à partir de ce soir là, bam, toutes les 30 minutes, on enfile des boîtes, justement des petits packs des petits packs à désir, des boîtes à désir My Crazy Collection. On aura l'occasion d'en offrir tout à l'heure. Oui. Très bien. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a Polo qui veut expliquer un truc là, c'est non, quoi? Non, parce qu'on a assisté à une scène tout à l'heure avec ses sous-vêtements et je voulais que Toff en parle. Parce que c'est quand même pourquoi durable. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nous avons notre sous-chef qui est venu dans le bureau. On discutait, on parlait de noyon. On lui dit ouais, ça s'est bien passé et tout. Il dit ah ouais, c'était bien. Machin. Ouais. Et puis là, il s'assied au bureau de Sandro. Et qu'est-ce qu'il trouve? C'est la magnifique. Boîte. La boîte. C'est la boîte. La boîte My Crazy Collection. Voilà. Offert par lesdessous.fr. Voilà. Et donc là. Tu te dis, bon bah il va regarder, il va... Non, il les a sentis. Ah bah oui, bah attends, c'est pour voir si c'était du neuf. Et donc c'est du neuf. C'est du neuf et a priori à l'odeur c'est de la bonne qualité. Eh bah très bien, comme ça on a un nez, donc ça c'est plutôt bien ça. Bon, on aura l'occasion d'en offrir tout à l'heure. Rendez-vous sur le Facebook de l'émission aussi, hein, si vous voulez en choper. Et puis on va se faire la colle également tout de suite avec Damien qui est avec nous. Salut Dame. Salut. Bon alors, Damien qui appelle de la Ciota et qui va donc nous faire eh bien une petite colle, peut-être pour repartir justement avec ce pack My Crazy Collection. Est-ce que t'aimes bien les sous-vêtements? Enfin, pour ta copine, hein, pour femme. Oui, ça va. Très bien, ta meuf est plutôt du style à mettre des petits sous-vêtements bien sympas, bien jolis, bien mignons. Ou ouais, s'habille n'importe comment, on s'en fout. Non, plutôt sympa. Bon, oui, alors quoi. Ça devrait lui faire plaisir, en tout cas j'espère. Bon, on y va, c'est parti Damien, quelle est la colle de ce soir? Alors, mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un meuble à quatre pattes. À quatre pieds, pardon. Qui suis-je? C'est le mec, il est déjà en tête du 14 février. À quatre pattes. Non, attends encore un peu, Damien. Donc, mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un meuble avec quatre pieds. Qui suis-je? C'est bon, ça. Si vous avez la bonne réponse, avant minuit 30, on vous appelle pour vous, pour que vous puissiez donner la bonne réponse, éventuellement, en tout cas. Vous vous inscrivez en envoyant M-I-K-L, suivi de la réponse, au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L-officiel. Bon, on te récupère encore quelques fois avant minuit 30, plutôt même, Damien, pour que tu répètes la colle pour les retardataires, ok? Ça marche, pas de soucis. Très bien, alors ne bouge pas de là, Damien. Et puis, donc, allez-y, hein, bonne chance tout le monde. Et vous avez t'as envie d'écouter un truc, Léo, en particulier, ce soir ou pas, là, dis-moi? Oh là là. Oh, et si t'as pas d'idée, c'est pas grave. Moi, j'avais prévu ça. Fall One avec Changes. Ouais, Fall One et Happy. Happy aussi, bah très bien. Ouais. Tu l'as? Ouais, voilà. Voilà, Pharrell Williams. Ah oui, tu chantes pas mal, Léo. Hein. Ouais, pas mal. Ouais. C'est presque bien que moi. Ouais, presque. Bon, bah, en tout cas, bonne chance tout le monde là pour le jeu. Et puis, si vous avez envie d'écouter les sons en particulier, n'hésitez pas. J'aurai aussi le nouveau Major Lazer avec Sean Paul. Avec Come To Me. Voilà, il va débarquer tout à l'heure sur Fun Radio. Vous l'avez découvert aujourd'hui sur Fun, justement. Bah, je vous le remets tout à l'heure avant la fin d'émission. Dites-nous d'ailleurs si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et puis, demandez encore les titres si vous en avez en particulier. Vous mettez hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Ah putain, je viens de voir aussi une info incroyable. C'est le portable qui vient de passer devant faire l'amour sur les choses indispensables. Quoi? Comme un? Non mais non, c'est la folie totale. Non non, on peut pas passer. Attends, une bonne baisse, ça vaudra jamais un portable. Je suis d'accord, mais grave. Ça veut dire que vous préférez avoir un téléphone plutôt que de faire l'amour, c'est quand même improbable. Ah non, moi on peut me retirer le téléphone, hein. Ah bah j'imagine. Léo? Non parce que une fois quoi? Que j'ai plus de téléphone, enfin une fois que je baise, j'ai plus besoin de téléphone. Hein. Parce que moi c'est grâce à ça que je chine les meufs. Ouais, hein. Mais c'est ça, mais pour baiser par contre, effectivement, t'as besoin du téléphone. Voilà, donc au final, c'est les serpents qui se mordent la queue, quoi. Non, si on me garantit que je peux baiser un mois, je peux faire un mois sans téléphone. Ah oui, vu comme ça, d'accord, ok. Et toi aussi, Léo, tu préfères ton portable ou faire l'amour? Ah bah je peux même prêter mon portable à la meuf pour la baiser. Et c'est pas mal, je devrais proposer ça aux meufs. Ouais, je te laisse finir mon portable et on baise pendant une heure. Mais là, elle va voir qu'il y a toutes les autres meufs qui sont en train de décrire et ça risque peut-être de la refroidir, non? Ah peut-être. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bah venez me dire les autres là, ce qui est le plus important pour vous là, votre chat, votre voiture, votre ordi, bref, dites-moi ce qui compte le plus pour vous. Tout simplement 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et toi, qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui, Léo, à tes yeux? Ce compte le plus pour moi à mes yeux? Ouais. Le sport. Le sport, tu fais quoi comme sport? Je fais du Krav Maga. Alors, Krav Maga, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport de défense, de self-défense israélienne. C'est un sport de baltringue. Et c'est assez violent. Mais c'est assez violent. Ça fait longtemps que t'en fais? Je suis déjà monté en grade. D'accord. Eh, mais Léo, t'es à Paris, mec, viens, tu vas montrer sur taf. Ah ouais? Mais avec plaisir. Tu peux pas venir à la radio, Léo, un de ces quatre? Je vais essayer de gérer ça, un de ces quatre. Ah bah oui, attends, il faudra que tu gères avec Sandro, là, pour au standard, pour que tu viennes à la radio. Et puis, parce que Toff, il a dit, de toute façon, c'est un enculé, Léo. Je le mets par terre, c'est vraiment une sale merde. Bah oui, c'est une tapette. Et voilà, t'as vu? Krav Maga, c'est comme Lady Gaga, c'est des baltringues. Voilà, c'est ça. Qu'il a dit. Moi, à ta place, je me laisserais pas faire, tu vois. Il y a un moment. Voilà, il y a un moment, faut quand même remettre l'église au milieu du village. Il faut pas se laisser faire, quoi, tu vois. Donc moi, je me laisserais pas insulter par Toff comme ça, Léo. Ouais. Et il a même parlé sur ta mère et ça se fait pas non plus. Ouais, moi à ta place, je le vivrais très mal, Léo. Très très mal, mais bon. Ouais. Bon, on va parler de quoi avec toi, Léo, en fait? Alors moi, c'est par rapport à une histoire qui m'est arrivée il y a deux semaines. Ouais. Donc j'étais à une soirée sur Paris, la soirée elle est allée à son terme. Ouais. Et une meuf me dit, viens, hein, j'ai envie de discuter. D'accord. Bah, j'y vais pour discuter. Elle me fait, ouais, avant qu'on parte et tout, j'aimerais faire une petite gâterie parce qu'on s'est bien parlé. Ah oui, putain, c'est bien ça. Ouais, moi, je fais, il n'y a pas de souci. Sans déconner, pourquoi pas, quoi. Sauf que, donc, elle commence à mettre la main. Ouais. Moi aussi, je commence à mettre la main et là, j'ai remarqué, en fait, que c'était pas vraiment qu'une meuf. Ah, elle avait le service 3 pièces. Le service full option, 3 pièces. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Là, ce qu'on appelle également bloqué. Madame Monsieur. Voilà. Voilà, très bien. Ouais. En fait, je me suis bloqué sur place et je l'ai regardé. Et je me suis barré, elle m'a fait, mais reviens, je fais non, c'est bon, dégage. Et c'est depuis que tu fais du Krav Maga, en fait. Voilà, c'est ça, donc pour te défendre. Non, mais c'est ça. Bon, et donc, du coup, plus de nouvelles, plus jamais ou pas? Ah, plus jamais. Plus jamais, d'accord, ok. J'ai envie de boire de boulogne. Je sais, franchement, je sais pas comment je réagirais, moi. Ah, ben, j'ai failli faire une crise. Tu m'étonnes. Non, mais t'imagines, tu l'avais embrassé et tout? Non, quand même pas encore. Donc, t'avais rien fait. Ah ouais, toi t'embrasses pas en fait, tu mets directement la main au panier. Ah ouais, c'est pire que Polo encore. Ah ouais, toi tu vas comme un bourrin, toi tu vas pépère. C'est-à-dire que Polo, pas de broute minou, lui c'est pas de broute minou et en plus il roule pas de pelle. Et bah là il pouvait pas faire de broute minou de toute façon, hein, c'était pas possible, il y a pas de minou, je te le rappelle. Ah non, c'est pas faux. Ouais. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé, tiens, appelez-nous maintenant là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de draguer une meuf, de conclure avec la meuf et de vous rendre compte en fait que c'est. Il s'appelle Richard. Donc voilà, appelez-moi maintenant, on en parle. Toff, c'est déjà arrivé toi, non ou pas? Non, mais j'aimerais bien. Non, arrête, tu peux pas vouloir ça, tu peux pas dire j'aimerais bien. Toff, tu redis ça, je me lève, je te mets une baffe. Non, mais attends, c'est improbable. Mais c'est une expérience comme une autre. Ah, quel horreur. Bon, bref, bah vous avez le service 3 pièces. Venez à Fun également, on a des chiottes. Non, mais attends, s'il y a des mecs qui le font, c'est que forcément, il y a des mecs qui kiffent. J'ai pas dit que j'allais kiffer, mais. Avant de dire que je peux pas kiffer, faut essayer. Arrête. Bon, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio, il est 23h12. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Mickaël No Limit, 23h-2h. Sur Fun Radio. Et je vous l'avais promis au cœur d'une heure sans pub. Allez, c'est parti dans Mickaël No Limit, c'est Fall Wide qu'on écoute maintenant. Et c'est Changes sur Fun Radio. Le son de Fall Wide à l'instant sur Fun Radio, c'était Changes. Allez, bienvenue si vous venez d'arriver. Là, on est au cœur d'une heure sans pub, c'est Mickaël No Limit. Et on est en direct jusqu'à 2h comme tous les soirs de la semaine, le dimanche également de 20h à minuit. Et il y a des messages qui sont arrivés puisque je vous avais demandé ce qui comptait le plus pour vous. Puisque je suis tombé sur une. Je sais pas si c'est une enquête ou un sondage, je sais pas, enfin bref. Qui dit que apparemment vous préférez votre téléphone portable à faire l'amour. Enfin, c'est scandaleux. Ouais, il y a des mecs qui ont dit ça. Donc je voulais savoir ce qui comptait le plus pour vous, votre chat, votre téléphone, la voiture, l'ordi, enfin je sais pas, n'importe quoi. Il y a Tess qui dit entre mon mec et Intarder sur le Twitter, je tiens plus à mon chat. Bon, c'est bien. Il y a Indio le Pio Pio qui dit ce qui compte le plus à mes yeux, mes sœurs et mon papa, le reste ce n'est que du matériel. Oh. Bah merci pour nous, hein, on est du matériel. Alors ah d'accord, ok, très bien, comme ça c'est fait. Ariel qui dit fais du Krav Maga. Oui, Toff, il en fait du Krav Maga. Du gros maga même. Du très gras même d'ailleurs. Dédé qui dit ce qui compte le plus pour moi, c'est ma voiture. Moi je préfère mon téléphone, c'est Sophie. Et DJ Koma qui dit Toff, si t'as le malheur de rappeler ma mère, tu prendras très très cher. Quoi? Tu appelles la mère des gens? Tu aurais déjà appelé sa mère, Toff. Bah, il paraît qu'elle est bonne. Bah écoute, je sais pas. Mais elle veut pas de moi. Ouais, bien vu comme cadeau les boîtes à désir. Bah ouais, c'est plutôt bien. En plus, comme il y a plein de gens qui ont pas forcément d'idée, là ça a l'avantage d'avoir l'idée pour la fille. Et puis bah comme ça vous êtes pépère. Hein. Si jamais vous avez rien prévu, hop là. C'est un vous beau cadeau. Ça pour peu que votre copine écoute pas Fun. Oui, mais je l'ai acheté pour toi, ma chérie. Mais oui. Ça vaut 100 euros quand même, hein, quasiment 100 euros. Ouais, les pas loin, qu'on ouais. vous offre. Ah non, non, mais on vous offre pas des dessus de merde. Hein. Des dessous, pardon, de merde. Donc voilà, il y a Orgasmic aussi qui dit je la veux bien cette boîte. Et Florian qui dit pour ma part, rien de prévu. Célibataire depuis une semaine au niveau de la Saint-Valentin. Et Tom qui dit également les 3 meilleures heures de la semaine commencent. Et toujours sur Fun Radio. Merci, Tom. Et alors, Uscal aussi qui dit ceux qui comptent le plus, c'est ma copine et ma PS4. Et en parlant de PS4, on en a reçu quelques-unes là, en stock. Là, je vous ai vu, je vous ai montré ça sur le Facebook de l'émission. Yeah. Elles sont arrivées, donc vous allez pouvoir, elles vont pouvoir être livrées là, ça y est. C'est pas un stock, je suis rentré dans le bureau tout à l'heure, j'ai vu une pile, ça va me tomber dessus. C'est cru la Fnac. Mais c'est ouf. Bah, 10 de hauteur, ça fait j'ai déjà voulu son poids, hein, ça c'est la première chose. J'ai pas osé. Non, bah, il vaut mieux pas, effectivement. D'accord. Et d'ailleurs, je guette, je suis là pour gérer tout ça. Bon, allez, qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Oui, avant de récupérer notre ami Léo qui. fait une expérience assez particulière puisqu'il est tombé sur un service 3 pièces, n'est-ce pas Léo? Ouais, tout voilà, à fait. On en parlait juste avant le son de Folwad. Avant de continuer à parler de ça, d'ailleurs dites-nous si ça vous est déjà arrivé justement de tomber sur un service 3 pièces. Hein, service 3 pièces, c'est bah, comme en l'occurrence Léo qui a été dragué une meuf, tout s'est bien passé. Et puis au moment de mettre la main sous la jupe ou la main dans le pantalon, tu t'es rendu compte que tout était fourni en même temps. Mais ça se voit. Bah non, pas forcément parce sur que sa gueule, mais ça se voit que c'est un mec, non? Tu peux voir sur la pomme d'Adam, mais tu ouais, vois par tu exemple la moi touche comme ça. Non mais tu vois par exemple moi elle est pas elle, est, ça, elle se voit pas beaucoup. Mais ça se voit. Non, là. Ça se voit un peu, mais si tu la c'est touches pas flag. Après il y en a qui ont vraiment une espèce de grosse boule qui sort. Attends, ça se voit pas du tout lui. Non, autant on voit le double menton, mais on voit pas la pomme d'Adam. Ouais. Voilà, mais je pourrais faire une très belle femme, je suis sûr. Ah non, avec quelle un peu de chirurgie. Horreur. Oh, quelle horreur. Et en robe demain, juste pour voir. Hein. En robe demain, pour... bah, il va le faire, il s'est déjà mis en drag queen. En petite mini-jupe. Hein. Bah oui. Bah, tu m'apportes une mini-jupe, je la mets. Ah, bah, en plus, il rentre dedans, je pense. Hein. Bah oui, facile. Largement. Hein. Vas-y, apporte-moi une mini-jupe. Bah, ramène le matos et puis on verra ça. Ouais. Bon, et je viens de voir un article également qui explique ce que les gens font après l'amour et je suis assez surpris de la différence entre les filles et les garçons. Avant de vous donner leur réponse aux filles et aux garçons, faisons un petit tour de table. Léo, ouais. Tu penses à quoi après avoir fait l'amour? Oh, mais que je mériterais bien une petite clope. D'accord, Tof. Bah moi je préviens la prochaine que j'arrive quoi. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Il se la ramène là, il se la ramène. Non mais en vrai. Bah en vrai je regarde si j'ai pas reçu des messages. Enfin ouais je prévois le coup d'après quoi. Ouais. Ouais. Polo. Bah moi je me suis la bite dans ses cheveux. Oh, je vais pisser, je me casse. Putain. Non mais c'est vrai. Y'a rien à foutre, tu vois. Donc rien, c'est tout. Bah ouais, je lui dis quoi. Bon, Sandro. Moi je kiffe avec mon mec. Je pense pas quoi. Tu kiffes quoi Bah câlin et compagnie quoi. Oh elle est relou. c'est la meuf une fois que t'as fini qui se colle, qui fait oh, viens, on va faire des clins d'œil là, putain. Alors que toi t'as qu'une envie, c'est de dormir quoi. C'est de te retourner, de te mettre de ton côté. Et puis avec vas-y, c'est bon, ouais, on rentre chez toi. C'est ça ou c'est dodo quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon bah dites-nous les autres là, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous pensez justement après l'amour, puisque du côté des filles, alors en numéro 5, bon je vais commencer par le numéro 1, en numéro 5, elle compare ouvertement les performances par rapport à Alex. Je parle d'un coup d'un soir, hein. Je parle pas forcément de. Ou en tout cas d'une nouvelle relation, pas forcément un truc où vous êtes ensemble depuis 20 ans là. Ouais, mais parce que là on sait qu'on s'endort après. Donc. Voilà. Donc du côté fille, donc elle compare avant. Ouvertement les performances à celles des ex. En 4, elle est dégoûtée par la vue du sperme. Ah, c'est comme si c'était le mec qui était le premier et unique. Mais, c'est souvent les meufs, c'est. Ah non, c'est dégueulasse. Bah oui, mais bon, meuf, c'est ce qui apporte la vie. C'est ce qui apporte la vie. En vous voyez ça comme ça. En 3, elle demande de l'argent pour prendre le taxi. C'est véridique le sondage, je raconte pas les conneries. Alors, en 2, elle oublie quelque chose chez le gars, comme des bijoux ou des cartes, exprès, juste pour foutre la merde au cas où il est maqué avec sa meuf, etc. Ou alors pour avoir une excuse pour effectivement revenir. Et enfin, en 1, elle demande au mec s'il a une meuf. Oh. Mieux vaut tard que jamais. Hein, je pense que c'est quand même le truc qu'il fallait peut-être demander avant. Hein. Mais ça, c'est tellement un truc de meuf en plus. C'était de kiffer le moment et après de se dire merde, j'ai peut-être fait une connerie. Non, parce qu'au final lui elle s'en fout, tu vois. S'il veut voir un truc sur le long terme, c'est emmerdant, mais dans l'absolu sinon non. Et du côté des mecs, alors en 3, il demande c'était bon hein. Ah bah ouais, c'est vraiment la mythique, la célèbre phrase. En 2, bah il dort hein. Il se dit, il a raison, voilà, c'est raison. Ça. Et en un, comme Toff, il saute sur le téléphone, regarder les courriers, enfin les mails, le Facebook, le Twitter, etc., etc. Bon, donc dites-nous, qu'est-ce que vous faites, vous, directement après l'amour? Appelez-nous maintenant. Et puis, bah, ce que je propose, Toff, c'est qu'on appelle des gens, là, pour leur demander ce qu'ils font après l'amour. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, très bien, ça me paraît pas mal. Si vous avez des numéros de téléphone de gens un petit peu nerveux, n'hésitez pas à les proposer à Toff. On va les appeler dans quelques minutes, la toph@funradio.fr, sur le mail de Toff. N'hésitez pas. Tiens, on va poser la question à Damien également. Damien, t'es là? Oui, toujours. Tu penses à quoi, toi, après l'amour? Moi, c'est le câlin avec ma chérie. Lui, c'est un relou. Il est avec sa meuf depuis 3 ans. Il a encore claqué 200 euros pour la Saint-Valentin, le sauna, le resto, le blabla. Là. C'est ça, Damien? C'est ça. Toi, t'es un petit peu... Un bouffon. Ouais. Un pigeon. C'est ça, un beau pigeon. Tu sais, bien, tu sais, derrière, elle est en train de penser à son avenir à elle. Ouais. Et quand elle va en trouver un plus beau et plus riche, elle va dire, écoute, je sais pas, mais je pense qu'il faut qu'on s'arrête. C'est ça, ouais. Et il y a Camille, mes amis. Voilà. Prenons du recul. Il y a Camille qui dit, ce qui compte plus pour moi, c'est Cyril Hanouna et Polo. Je vous kiffe, mes amours. Putain. Il y a Pierre Depardieu qui dit aussi, moi, je préfère mon ordi et vous. Daniel également, ce qui compte le plus, c'est mes chats. Clément également, ce que je tiens le plus, c'est Toff. Quelle horreur, Clément. Mais oui, Clément, merci, aussi, Clément. Qui, moi, pour la Saint-Valentin, ce sera un piercing. Et Aurélie qui dit, première Saint-Valentin avec mon chéri cette année. Tu aurais pas quelque chose pour moi? Bah Aurélie, t'as déjà un mec, dis donc, t'es déjà pas mal quand même. Et Fabienne qui dit, préférer son portable au sexe, faut être complètement con. Moi je reviens aux morses, mais je garde le sexe s'il le faut. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Sinon on peut essayer de communiquer en morse à coup de bite. Oui, on peut essayer aussi. Il y a Jules avec nous également de Paris là, salut Jules. Oui, bonsoir. Comment ça va Jules? Ça va très très bien. Bon, tant mieux. Alors Jules, toi tu voulais réagir par rapport à... Ton prénom, on comprend. Non, par rapport à ce que tu fais, à quoi tu penses après l'amour? Moi ce que je pense après l'amour, c'est fumer une cigarette et manger. Ah, manger aussi toi? Également, oui. Ah ouais, c'est marrant ça, pourquoi manger? Ça donne faim comme la piscine? Parce que ça donne faim. Ouais, tu manges quoi? Ben, pas mal de choses, des frites, un sandwich. Ah putain, donc t'as pas intérêt à niquer en pleine nuit, ou alors tu dois avoir la friteuse à portée de main, mais parce que c'est des frites au micro-ondes que je fais. Oh. Dis-moi, est-ce que tu poses tout ça sur son cul afin que ça te serve de table? Mais non. Mais tu devrais. Oui, c'est ça, ça fait table en même temps, c'est pratique. Mais t'as une meuf là ou pas? Non. Ah non, forcément. Et très bien, d'accord. Faudrait poser la question également à notre ami Gilou. Ah oui. Ce serait bien, Gilou, si tu nous entends, appelle-nous 01 42 48 5000, je te rappelle le numéro. Sait-on jamais? Bon, donc Jules, tu penses à ça? Bah écoute, très bien, on va continuer à faire le tour, nous, dans quelques minutes, pour voir un petit peu à quoi vous pensez. Vous, là, n'hésitez pas, #Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Mmh. Ou alors appelez-nous 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Clément qui dit, après l'amour, je me dis qu'elle était la meilleure de toutes. Ça, c'est l'auto-persuasion. Ouais, il y a Ludy sur le Facebook qui dit, moi, après avoir fait l'amour, je fume une bonne clope et boire un bon verre de boisson fraîche. Et on recommence, pourquoi pas, Ludy. Et alors, Tom qui dit, moi, je vous préfère vous. Oh, c'est gentil, Tom, lèche-botte, va. Tout ce que tu mérites. À l'heure actuelle, ce qu'il y a de mieux. Tout à fait, peace and love, Jules. Bah, ouais. C'est ce qu'il y a de moins cher, surtout. Je veux bien une Ferrari, puis un million d'euros sur mon compte, ça ira très bien. Voilà, non, mais je vous laisse l'amour. À l'heure actuelle, parce que ça dure au moins 3-4 heures, c'est franchement un plaisir. 3-4 heures? Ouais. Ah oui. Enfin, il y a un moment, ça devient chiant quand même. Hein. Non, pas du tout, non. Ah, si. Non, ah, non. Peut-être pas pour toi, mais il y a un moment, si tu veux, ça brûle. Hein. Tu vois, c'est comme quand tu frottes deux pierres, à un moment, ça s'allume, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu rentres et quand tu limes pendant 4 heures, ouais. Je pense que, perso, ça m'est jamais arrivé, mais 4 heures, c'est long. Ça doit quand même être violent. Hein. Non, mais 4 heures, on s'arrête un petit peu quand même. Ah ouais, 4 heures, on s'arrête un petit peu quand même. Je pense que. Non, sincèrement, je pense qu'il y a un moment. Tu t'emmerdes après 4 heures. Non. Ou alors peut-être que parce que toi ça t'arrive tellement rarement que 4 heures tu te dis bon bah je vais en profiter parce qu'après j'en ai plus pour longtemps. Non, ça m'arrive pas rarement, absolument pas. Je sais pas, je demande. Hein. Non mais c'est vrai que si je devais payer une call girl, j'aimerais bien profiter de mes 4 heures. Non mais après, mais oui. 4 heures c'est génial. Ah bon d'accord, ok, bah écoute très bien, les filles dites-nous 4 heures, mais je pense que c'est un peu long. Sandro, 4 heures. Ah c'est beaucoup trop long. 4 heures de l'image. Ah non, tu sens plus rien après. Parce que vous êtes trop jeune, ça doit être pour ça alors. Ah bah ça doit être ça le problème, effectivement. Ah, on va attendre de vieillir, Jules. C'est parce que lui, il faut le temps que ça monte. Vous savez quoi, vous êtes génial. Ah bah c'est gentil, Jules, Nio même. Ça roule. Oui. Bon, bah merci Jules d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Y a pas de souci. Salut à toi, bientôt Jules, ciao à toi, bye bye. Au revoir. On va revenir avec Cléo dans quelques minutes. Tiens Léo, t'as déjà fait là 4 heures de l'image? 4h30, 2h30, oui, mais à la fin, j'ai fait, vas-y, j'en ai marre, c'est bon, je vais me coucher. Ouais, mais dans 2h30, alors je parle juste de pénétration, hein, pas de tout ce qui va avec, pas les préliminaires, etc. 2h30, on était dans le bain, j'en avais marre, on était crevé, j'avais les genoux niqués à cause de la baignoire. Non, mais sans déconner, en plus, la baignoire, elle doit être gelée, c'est-à-dire qu'il y a un moment, l'eau, ça doit être. Ah non, on avait le bain, mais je veux dire, sinon, pour moi, quand c'est 30-45 minutes, c'est bon. Ah ouais, mais enfin, déjà 30-45 minutes, c'est hyper long, hein. Ah ouais. Eh les mecs, vous êtes pas dans un film de boule, hein. Non mais c'est vrai, il y en a plein. Ouais, moi je fais 45 minutes, c'est minimum syndical. 45 minutes ouais. De l'image. Non, avec depuis le début. Ah oui, non, avec préliminaire, d'accord. Ah mais oui, oui. Selon une récente étude qui m'a beaucoup rassuré, le rapport idéal doit durer entre 7 et 13 minutes. Ouais. Bah, tout compris ? Tout compris, le rapport idéal. Ah ouais, 7 et 13 minutes. Voilà. Oui, c'est pas mal ça. Enfin, c'est... ça dépend après, hein, mais. Non mais c'est bien parce que trop court, c'est pas assez. Et voilà. Trop long, bah c'est trop. Tu te fais chier, elles se font merci chier. Merci à notre grand savant Polo qui vient de sortir sa nouvelle thèse. Hein. Trop court, c'est trop court. Trop c'est long, vrai. C'est trop long. Je pense que nous retiendrons celle-là. Bon, Léo, reste avec nous. On va se faire la colle avec Damien dans quelques minutes. On va faire les premiers appels avec Toff. Et puis on va se faire le top tweetos également ce soir. Je rappelle que c'est le numéro 3 ce soir. Numéro 3 qui gagnera le pack donc offert par Medesous.fr, hein, My Crazy Collection. C'est les sous-vêtements qui valent 100€ et offert par Medesous.fr. Eh oui, c'est difficile quand on change de sponsor là pour l'instant. Hein. Bon, on va offrir le premier dans quelques minutes, la My Crazy Collection. Si vous voulez vous inscrire, bah appelez Sandro maintenant si vous voulez. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis on va se faire justement une belle musique de Saint-Valentin. Oh. Ah c'est beau. Oh. Ah oui. Ah c'est beau. C'est nul. Jason Derulo. La Saint-Valentin. Bah oui, Marry Me sur Fun. 105 is the number that comes to my head. That's precisely what I plan to do. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avant de faire les premiers appels avec Toff dans quelques minutes. On va appeler maintenant un gagnant ou une gagnante là pour le pack My Crazy Collection. C'est les sous-vêtements qu'on vous offre pour la Saint-Valentin. Justement, hop là, c'est parti, ça vaut 100€, c'est offert par Medesous.fr. Et on appelle maintenant quelqu'un. On a toutes les 30 minutes à vous offrir ce soir, là jusqu'à jeudi inclus. Wow. Allez, c'est parti. On y va. Allô. Allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Marlène. Salut Marlène. Bon, Marlène, t'es célibataire? Non, je suis en couple. D'accord, ok, Marlène, c'est pas grave, on va quand même t'offrir le pack comme prévu, là, le pack My Crazy Collection, ça vaut quasiment 100€. C'est Obad, la marque, et on va t'envoyer ça. Bien. Mais oui, écoute Marlène, t'as quel âge au fait et dans quelle ville? C'est à Bordeaux, j'ai 20 ans. Très bien, et eh ben voilà, on va t'envoyer le premier pack qui part direction Bordeaux alors. Je te fais des gros merci. Bisous Marlène. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et tu as fait quoi pour la Saint-Valentin? Je sais pas trop encore. D'accord, ok, très bien, parce que t'es avec un mec, tu sais pas encore. Et alors, tant qu'on avait posé la question aussi tout à l'heure là, à quoi tu penses après avoir fait l'amour? Tu fais quoi? T'aimes bien faire quoi? Je sais pas trop. Bah quand tu fais l'amour, tu fais quoi juste après? Quand t'as fini? Ah, je fais des câlins. On fait des câlins après. Ah, donc c'est séance câlin alors. D'accord, ok, très bien. Bon, on note, continue les autres à nous le dire. Hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. Venez nous rejoindre. Et puis on en parle jusqu'à 2h du mat. Bon, je te fais des gros bisous Marlène et bravo à toi encore. Merci. Salut, je t'embrasse. Et puis comme je le disais, toutes les 30 minutes ça tombe pour vous inscrire. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Margot qui a envoyé un message également. Salut l'équipe, je suis passé à l'antenne et j'ai oublié de vous demander mon message de bienvenue. Un bien méchant. Alors attends, Margot, là, attends, on va essayer de gérer ça. Un bien méchant. Qu'est-ce que j'ai en stock? C'est une vraie meuf, Margot, elle a des couilles, tu vois. Ouais, elle a des couilles, effectivement. Attends. Ah ouais, j'ai celui-là qui est pas mal. Là. Alors moi, je viens, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Voilà, celui-là était pas mal, Margot, voilà. Ricardo qui dit un petit coucou de Suisse. Même à l'armée, je vous écoute. C'est cool, Ricardo. Bon, en même temps, ils ont viré tous les étrangers de la Suisse, hein, donc bon... On verra, hein. Enfin, ils ont pas encore viré, mais on peut plus y aller maintenant. On peut plus travailler là-bas, c'est terminé. Bon, il y a Mystique qui dit, moi, après l'amour, faut que je fume et que je mange des conneries, genre Nutella, gâteau, voire même boire une boisson gazeuse. Et Claire qui dit, après l'amour, je vais sur Facebook. Ah ouais, ah, tiens, avec les copines. Ah, ça y est, je viens de me faire pécho. Ah oui. Il m'a bourré toute la nuit. Je lui mets 4 sur 10, hein. Il était pas terrible. Ouais, c'est ça, on donne des notes, exactement. Bon, allez, on va faire les premiers appels. Donc, tu vas demander, tes nouveaux amis éventuels, en l'occurrence, hein. Ceux qui font après l'amour. Ceux qui le font, justement, après l'amour. l'amour, etc., etc. Donc on y va, c'est parti, on y va. Premier appel, merci à tous ceux qui sont inscrits d'ailleurs avec le mail de Toff, hein, en mettant le numéro de téléphone sur le mail de Toff de la personne qui est encore debout à cette heure-ci. toph@funradio.fr. C'est parti pour le premier appel. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous faites après avoir fait l'amour. C'est qui, t'as enculé là? Moi je m'appelle Toff, monsieur. Ah, ta gueule. Bah pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ah bah ça a au moins le mérite d'être rapide, on va le rappeler, hein. Oui, c'était un peu trop court. Mais oui, complètement, c'est parti, on y va, on rappelle. Qu'est-ce que tu veux? Bah je veux savoir ce que vous faites après l'amour, monsieur. Bah je me branle sur le cul de ta mère, d'accord? Non mais c'est une et fois... après je vais te fourrer ton foie à quenelle avec mon gros gland là, tu vas voir, espèce d'enculé là. Non mais monsieur, faut pas le prendre comme ça. Ah ouais, mais là il l'a pris comme ça là. Ah bah oui, c'est bon, attends, on le rappelle encore un coup là, hop là. C'est reparti. Très gentil, hein. Ah, charmant. Trop vraiment très très aimable. Trop aimable. T'as pas compris, hein. Bah non, pas vraiment monsieur, parce que je voyais pas le rapport par rapport à ce que vous faites après l'amour. Bah je me suis sur le cul de ta mère, t'as compris là? Bah oui, j'ai compris, mais je vois pas le rapport monsieur. Bah je vais te dire ce que je vais faire. Oui. Toi, je vais te mettre à quatre pattes. Oui. Hein. Je vais te la mettre bien profond dans ton trou du cul. Tu vois, ton trou du cul, c'est un bon four à quenelle, d'accord? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non. Hein? Eh ben, un four à quenelle, un four à bite, ton cul, c'est. D'accord? Ah oui. Un gros four à bite, une grosse cheminée, tu vois? Hein? D'accord. T'as compris là maintenant? Bah oui, enfin j'ai compris non, parce que je vois pas le rapport avec ma question, monsieur. Ah ben dire. Eh ta gueule, ah. tu m'as gonflé là. Hein? Enculé de tarasse. Ah non monsieur. Ah là il est parti, je pensais qu'il était reparti, on va voir, tiens. On le rappelle encore un coup ou... Ah une petite dernière, allez pour la route. Enculé de tarasse. Oui. Bon allez hop, c'est parti, on y va, on le rappelle. Petite dernière fois. Oui. Tellement de fois qu'on est. T'as pas marre de me casser les couilles, espèce d'enculé? Mais non, je veux pas vous casser les couilles, monsieur, je veux juste savoir ce que vous faites après l'amour. T'as vraiment une boîte tapette, hein, quand même. Ah non, monsieur, non, on pouvait pas vous dire ça. Oh, ta gueule, putain, tu m'as gonflé, là. Ouais, je suis en train de bosser, là. Bah oui, mais hein? Dites-moi ce que vous faites après l'amour, comme ça je saurai, monsieur. Mais qu'est-ce que je fais après? Moi, ce que je fais après? Oui. Je bois une bonne bière, un bon pétard, et après, je vais me coucher. Eh ben voilà. Bah oui, là, ça me va. Hein, putain, t'as vraiment une voix de tafiole, hein, quand même, hein. Bah non, monsieur. Ah si, il est reparti, là, c'est dommage, c'est dommage. Bon, premier rendez-vous plutôt pas mal, hein. Merci c'est pour les numéros de téléphone, mal. Là, on continuera à en appeler d'autres, évidemment. C'est charmant. Ah bah oui, très très très charmant, j'ai envie de dire. On aura Chéri, je peux te faire cocu qui va arriver. Il y a Fabienne qui dit, lui, il s'essuie pas dans les cheveux, mais sur le cul de la mère de Toff, le pauvre. Il y a Jojo78 qui dit, moi, je me branle sur le dos de ta mère. Et Joss, sur le Twitter, qui dit, putain, tu me fais baver avec tes 5000 PS4. Oh, il y a pas 5000, il y en a 10, je crois, un truc comme ça, qui sont arrivés. Donc les premières livraisons vont partir. Pour ceux qui veulent voir tout ça, c'est sur le Facebook, je vous les ai mis tout à l'heure. facebook.com/MIKELOfficiel. Il y a Aurélie qui dit, moi je vais aux toilettes après avoir fait l'amour. Et Mélanie qui dit, entre Fun ou mon homme, je préfère Fun Radio, c'est plus bravo. Cool. Bravo. Oh, merci Mélanie. Très bon choix. Ah, ouais. Très très bon choix Mélanie, je te le confirme. Bon, il y a Anthony avec nous de Marseille. Salut Anthony. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, très bien. T'appelais pas pour ça à la base, mais tu fais quoi toi? Tu penses à... Tu fais quoi après avoir fait l'amour? Moi, après avoir fait l'amour, ah en fait, je me prends une douche déjà. Tu prends une douche, d'accord. Déjà, oui, ce qui est déjà correct. Okay. Et après, ça, c'est une deux feuilles pour moi. Une deux feuilles, je suis d'un whisky. D'accord. Scotch. Ah, oui, Il a lui refait sa journée complète, là. D'accord, ok. Ah ouais, faut que la tête, elle tourne aussi. Ah bah, bien sûr. Pourquoi? Mais si ta meuf est pas assez douée, évidemment, elle tourne pas naturellement. Ah ouais, non, elle est très douée, elle castagne comme une Amazon. Oh. Absolument, non, c'est ah ouais. Non, mais pas de problème, pas de problème. Moi, je posais la question comme ça. Hein. Tu sais ce que faisaient les Amazones avec les mecs? Elles les tuaient. Hein. Ah ouais, oui, après, oui. On non, fait mais le malin. On a évolué, il y en a plus trop. Quand même. Oui, bon, après, méfie-toi quand même. Ouais, méfie-toi quand même, on sait jamais, un accident est vite arrivé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah. Moi, il y a un truc, c'est qu'effectivement, faut que j'aille me lever après. Ah oui, moi je peux pas dormir comme ça. Non, après c'est dégueulasse. Moi j'aime bien rester sale comme ça. Ah non. Si, c'est surtout si la meuf est femme fontaine, après tu peux te rouler dedans. Arrête. T'es là comme ça, t'es tout sale. Oh, c'est immonde. Tu es encore un peu transpirant. J'adore ça, moi. C'est dégueulasse. Je suis là, le zboub à l'air, tu sais, je le traîne comme ça, je tape la fille avec le flagelle dans ses cheveux. Ah, mais bon, c'est bon. Bon, attends, on va demander à Jean-François aussi, qui est avec nous là de l'Ardèche. Salut Jean-François. Salut, gars. Comment ça va? Ça va, ça peut aller. Bon, très bien. Tu fais quoi, toi, après l'amour? Moi, franchement. Ouais. Je fume une cigarette et je mange un morceau. Ah, toi, mais c'est marrant, il y en a beaucoup, hein, comme ça, tu fumes une clope et après il bouffe. Tu sais, histoire d'avoir la bonne haleine de merde. Hein, comme ça, après, quand tu reviens, tout c'est bien. Ah, ça, s'il y a un truc. Alors, déjà, je déteste la clope, mais alors, si en plus. Tu fumes pas. Non, je fume pas, mais si je tombe sur une meuf qui fume, bah, déjà, ça n'arrivera jamais, mais il ne fût-ce que tomber sur une meuf qui va oser penser à allumer sa clope au lit. Alors là, je peux te dire que. Tu sais, j'ai fréquenté une femme non fumeuse, non buveuse pendant 4 ans. Ouais. Après l'amour, j'ai fumé une cigarette. Quelle horreur! Dans la chambre et tout, ça doit puer la mort! Non, j'aère bien. Non, mais enfin, même, il y a un moment, ça reste collé et tout. Enfin, bref, on va faire le débat. Mais c'est un truc, je peux pas, quoi. Bon, Jean-François, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure? Mon fantasme, moi, c'est. Mon gros fantasme, c'est de voir une femme en mini-jupe avec des bas noirs. Et ça m'excite. Mais... Ah, ça t'excite, Jean-François, une femme en mini-jupe avec des bas noirs? Voilà, ça m'a toujours... Bah, si je peux te recommander le catalogue La Redoute. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai toujours été attiré par ça. Ah, depuis 7 ans, t'as commencé tôt. Non, mais c'est pas un fantasme, ouais, j'ai été attaqué très tôt. Mais ton fantasme, c'est quoi? Parce que tu dis que ça t'excite, d'accord, ok, mais... Oui, mais je peux pas toucher, on n'a pas le droit. Oui, c'est-à-dire, oui, tu peux pas lui sauter dessus à la meuf, mais je veux dire qu'il y a un moment, avec ta propre meuf, tu peux lui demander de t'habiller comme ça. De faire s'habiller comme ça. Mais Madame 5, hein. Oui, non, j'ai compris, mais il y a un moment, t'as pas de meuf, t'as jamais eu une meuf? Si, j'en ai eu dans ma vie un paquet. Bon, et tu leur as pas demandé de s'habiller comme ça? Si, justement. Eh ben donc, fantasme réalisé. Comme ça. Donc le fantasme est déjà réalisé. Elle s'est pendant 4 ans, s'habiller comme ça. Ah, pendant 4 ans, et elle s'est barrée parce qu'à un moment, ça devient monotone de s'habiller toujours comme ça, non? Ouais, ça devient monotone. Ouais, je me disais aussi. Enfin, sinon, je te recommande Google aussi, hein, Google Images, tu tapes mini-jupe, bah, voilà. Je pense que tu peux trouver ton bonheur. C'est une idée. Bon, Jean-François, reste avec nous, on va se faire la colle avec Damien également. Les auditeurs sont passés nous dire bonjour, là, comment ça va les gars? Merde, attendez, j'ai eu votre beau micro. Voilà, prenez le micro pour dire bonjour, hein, sinon, regarde, approchez. Approchez-le, on va pas vous manger, hein, il va pas vous manger, là, bonjour. Bonjour. Voilà, comment tu t'appelles? Nora, mais bienvenue Nora, tu viens d'où toi? Bruxelles. De Bruxelles, d'accord, ok. Alors à côté, à droite, il y a... Bonjour, Arnaud. Arnaud, comment ça va Arnaud? Ça va. Tu viens d'où toi? Paris. De Paris, d'accord, ok, très bien. Et alors d'autre côté, donc à l'opposé, il y a... Jérôme qui vient de... De Bruxelles aussi. De Bruxelles aussi, très bien. Vous n'êtes pas venus ensemble par contre, ça qui est drôle. Donc très bien, bah c'est parfait. Alors deux Bruxellois, un Parisien, parfait. Et vous, après l'amour, pensez à quoi? Moi, je comme toi, je m'essuie. Vous faites quoi? Ah mais moi je mange pas, moi je c'est me juste suis non, non, mais moi, je me chiotte. Bon, ouais, nettoyage après, quoi. Voilà, et puis bon. Alors après je mange. Ouais, c'est pour que pas de grumeaux à la prochaine séance. Merci, Tof, il passe au bitwash. Très bien, et rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié évidemment, non. Comme d'habitude, le Parisien. Hein. Arnaud, ouais, voilà, tu fais quoi toi? Moi, je regarde le score après. Du PSG. Tu fais quoi? J'ai envie de dormir après. Toi tu dors, ouais. D'accord, ok. Et la demoiselle, Nora? Je suis Pucelle. Oh, bah ça tombe bien, attends, viens ici. Bon, bah restez avec nous, on va revenir dans quelques minutes. Il y a le chéri, je peux te faire cocu à suivre. Et puis on va également, comme promis, refaire la colle avec notre ami Damien et s'écouter le son d'Eric Arborès. Get ready for this. Voilà, j'espère que vous l'êtes justement là. Eric Arborès, get ready, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No limit, Michael. Michael, no limit. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France sur Fun Radio comme tous les soirs, 01 42 48 5000, appelez-nous hein, si vous voulez parler avec nous. Vous êtes les bienvenus, il n'y a plus de pub jusqu'à l'arrivée tout à l'heure de Bruno Guillon à partir de 6h. Ce sera Bruno dans la radio comme tous les matins. Et puis plein de messages encore qui arrivent, la Tiffany qui dit bonsoir à toute l'équipe, moi je suis dans mon lit, je vous écoute, c'est cool Tiffany. Indule Piu Piu aussi, j'arrêterai de fumer pour toi Mickaël. Oh c'est gentil hein, Indule Piu Piu. C'est mieux d'ailleurs, comme ça sent moi. Morgane aussi qui dit moi je fume une bonne clope et je prends ma douche, je vous adore Fun Radio, merci beaucoup. Et puis Aurore aussi qui dit un petit coucou d'Armix dans le 64, vous me faites trop rire, continuez comme ça, vous déchirez tout. Merci Aurore et attention également, je rappelle que jeudi on sera en direct de la de Star Wars Identities. Cité du cinéma. Exactement, la Cité du cinéma Saint-Denis à Paris-Saint-Denis. Donc on vous a filé des places la semaine dernière et donc on fait une spéciale à la place de Lovin Fun. Lovin Fun fera 20h-21h et puis nous on fera 21h-23h en direct de cette spéciale Star Wars. Vous allez pouvoir venir avec nous et tout, ça va être la folie totale. Et puis juste après, on fera l'émission normale comme maintenant, hein, entre 23h et 2h évidemment. Comme ça, vous savez tout. Et puis on va s'écouter, bah, je vous l'ai promis aussi, le son de Eric Arborès dans quelques minutes sur Fun Radio. Eric Arborès, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Get ready for this. Ah là, Eric Arborel, je vous le cale dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Donc restez bien là. Il y a le Chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer avec Bruno dans quelques minutes. Donc si vous voulez vous aussi participer au Chéri, je peux te faire cocu, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour vous inscrire. N'hésitez pas. Il y a Léa également qui dit ce qui compte pour moi, c'est vous. Oh, c'est gentil, Léa. Maria aussi qui dit je vous kiffe trop, je m'ennuie plus le soir. Je vous écoute jusqu'à 2h. Je vis en Espagne et je vous invite cet été pour faire une émission. J'habite juste en face d'Ibiza. Vous pourriez passer Fatboy Slim, please. Ah bah oui. Demandez comme ça. Demandez comme ça. Voilà, hit, sleep, rave, repeat avec plaisir. Eh ben oui, Maria, là, on va passer, hein. On fait l'émission là-bas? Bah avec plaisir, oh là là. Bah tiens, en face d'Ibiza, ça peut être très très bon ça. Et puis le prince qui dit ouf, Mickaël a fini par quand même arriver en même temps, en temps et à heure, pardon, à la radio, malgré la manif des taxis, nous voilà rassurés. Ah putain, je sais que ça se fait pas, parce que tu peux pas faire de généralité, mais bande d'enculés de fils de pute. Voilà. Ils m'ont énervé. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont énervé aujourd'hui? Ah. Putain, je déteste les manifestants. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que c'est pas en faisant chier le petit peuple qui ne peut de toute façon rien faire. Que ça va s'arranger. Putain, faites chier les gens qui vous font chier. J'ai donné l'exemple sur le Facebook, mais c'est vrai. Tu vas chez le boulanger, t'achètes ton croissant. Ouais. Il est pas bon, tu vas pas aller prendre la tête au boucher. Ah non. Voilà, et ben c'est pareil. Voilà, c'est non vrai, mais c'est raison, vrai, arrêtez de casser les couilles aux mauvaises personnes, quoi. Putain, non mais sans déconner, quoi. Ils m'ont cassé les couilles. Alors qu'ils râlent pour un truc, je conçois, mais putain, arrêtez d'emmerder le monde comme ça. Faites chier les gens qui prennent les décisions, pas les autres. Et bah ça va mieux là. Ça va mieux. Ça m'avait déjà soulagé sur le Facebook, mais en parlant ça va encore un peu mieux là. Comme ça c'est. Bah ça va mieux, c'est parfait. Bon, alors la croix Toff, est-ce qu'elle est arrivée? Bah non. Eh bah non, la croix Toff n'est pas arrivée. Parce que je rappelle qu'il y a quelques semaines, Toff nous avait même pas avoué, il avait simplement admis comme ça volontairement qu'il aimait bien se faire. Voilà, qu'il aimait bien se faire attacher sur des croix dans des caves et humides et froides et se faire sodomiser, voilà. Attacher avec du fil barbelé sur des croix offert par. Passagedudésir.fr. Voilà. Exactement. Le tout avec une meuf qui était habillée avec des sous-vêtements en faire-part. Mesdessous.fr. Voilà, là c'est ça. Donc voilà, assez surréaliste quand même comme histoire. Et donc depuis, je suis pas une croix catholique, une croix en forme de X. Et depuis, il y a certains auditeurs qui avaient dit qu'ils allaient fabriquer une croix en bois. Mais on l'attend toujours. Oui, je n'ai toujours pas reçu ma croix. Toujours rien. Déçu. Mais si vous pouvez la faire en fer, c'est mieux. Pourquoi? Pour l'électrocuter. Bah oui, comme ça on met un peu de jus dedans. Hop. Évidemment. Mais c'est allons mieux. À l'essentiel. Ah, ouais. Évidemment. Il y a Indule Pupio qui dit même en temps normal, je suis sûr que Toff ne se lave pas. Non, jamais. Je ne sais pas. Et Margot qui dit salut mes poulettes. Salut à toi, Margot. Bon, continue à nous appeler. Hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va se faire le chéri. Je peux te faire cocu avec Bruno dans quelques minutes. Et puis on va surtout récupérer Tony avec nous maintenant de Lyon. Là. Salut Tony le Lyonnais, comment ça va? Ça va, et vous les gars? Bon, vous avez pas d'emmerde avec les taxis, vous? Bah, non. Bon, bah tant mieux, c'est déjà ça de prix, alors c'est plutôt pas mal. Bon, alors tu fais quoi, toi, après l'amour? Bah, je redemande à ma femme si elle veut faire un petit coup. Ah, tu t'endors pas, toi? Non, pas du tout. Putain, mais t'es balèze, toi. Ah ouais, c'est pas mal. Parce que je rappelle que je t'ai tombé sur un article, on en avait parlé en début d'émission. Pardon, début d'émission, décidément. Qui explique donc ce que les gens font après l'amour. Et donc, du côté des mecs, en trois, ils demandent si c'était bon, hein. Tu vois, c'est ça. En deux, ils s'endorment et en un, ils sautent sur leur téléphone pour regarder leur mail, Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc toi, tu demandes si la personne en revêt encore. Bah ouais. Ok, pourquoi pas. Il y a Paul également qui est avec nous de Metz là. Salut Paul. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien Paul. Alors toi, tu fais quoi après l'amour? Bah en fait, moi, c'est un truc un peu chelou en fait. Aïe. Je suis tellement excité que je vomis en fait. Hein? T'es sérieux là? Tu t'es cru dans la cité de la peur ou quoi? L'horreur. Non mais attends, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais l'amour, tu gerbes derrière quoi? Pas tout le temps, mais. Ouais, c'est assez bizarre comme truc, je sais, mais je suis tellement excité que je vomis en fait après l'amour. Mais t'as un problème, mec. Ah ouais, parce qu'il faut aller voir un médecin. Ah ouais, il faut aller voir le doc, hein. Je suis tellement. Oui, il faut aller voir le doc, je sais. Mais je suis tellement excité que, voilà, je sais pas en fait, c'est un truc bizarre en fait. Et la première fois, ça s'est passé comment avec ta meuf? Tu t'es arrivé en disant mais viens on va faire l'amour etc. L'outil a kiffé et en fait t'éjacules pas toi, tu vomis directement, tout sort par au-dessus. Je monte tellement en orgasme, je sais pas comment dire, que je quitte le lit, tu vois, et je vomis après. C'est assez bizarre comme. Mais c'est comme... improbable, c'est dingue. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est original. Attends, il y a Jean-Luc aussi avec nous là de Loire-Atlantique. Salut Jean-Luc. Salut. Comment ça va? Bah moi ça va, je pète le feu. Mais bon, tant mieux. Ah, bah, bah, un petit coup de mousseux en vous écoutant. Très bien Jean-Luc. Bon, alors toi tu fais quoi après l'amour? Bah je prends une douche et puis je demande à la gonzesse avec laquelle je suis de me faire à bouffer. Ah. Et ça c'est bon. Et ouais. Parce que et c'est parler aux femmes. Bravo. Attends mais t'as quel âge Jean-Luc? Bah là je vais avoir 60 mais je suis encore efficace. Mais t'es encore quoi? Ah oui non bah, j'en doute pas un instant. Donc toi tu demandes à l'ancienne évidemment à ta bah écoute chérie tu vas prendre le four là et puis tu vas faire à bouffer là. Ouais et puis pendant ce temps-là je m'occupe de sa sœur. De sa sœur. Bah oui. C'est-à-dire t'es un bon. Bah oui bah j'ai deux maîtresses. Alors il y en a une qui fait la popote et puis ben l'autre qui fait la pompe. Attends une mais une deuxième tournée. En fait, elle voit double. Elles sont toutes les deux à la maison. Ah ouais ouais. Oh, arrête de me faire manger. Non mais oh Gilou commence pas à tout mélanger. Donc t'habites avec deux meufs. Ah bah j'habite pas c'est mes voisines mais comme j'ai juste deux étages à descendre. Je ne comprends rien. Mais bon. T'habites. Non, toi mec... t'habites avec qui? Bah avec ma femme, mais ma Parfait. Femme elle est au boulot pendant ce temps. Attends. Donc t'habites avec ta femme. Jusque là mène l'enquête. Normal, ouais, je vais exactement mener l'enquête. Donc là t'habites avec ta femme. Oui. D'accord, c'est ça? Oui. Bon. Et quand t'as terminé, qu'est-ce qui se passe? Le cadeau. Eh ben quand j'ai terminé avec la deuxième, je reprends une douche. Et puis après, je pars au boulot parce que je travaille la nuit. Mais donc, t'as baisé la deuxième? Ah bah oui. Mais quand est-ce que tu baisses ta femme dans tout ça? Eh ben, quand je reviens du boulot. Et donc, donc quand tu reviens, c'est ta femme et quand tu pars, c'est la voisine? Ah bah, les deux voisines. Les deux voisines, bien sûr. Ah oui, parce que t'as deux maîtresses, donc plus ta meuf, ça fait trois. Ah bah oui, mais moi, je suis fringon, hein. Ah bah oui, non, bah là, tu te mets plutôt pas mal, là. Et pour le marathon de Paris, alors, tu fais ça quand? Ah bah, c'est clair. Je sais pas, parce que bah pour la course à pied, je suis un petit peu handicapé, parce que je fais de l'arthrose maintenant, alors. Ah oui, bah oui, forcément, à 60, ouais. Mais putain, Tof, ça pourrait être ton père, hein. Ah oui, non, mais grave, attends, mais il a tout compris. Ton père spirituel. Non, parce qu'il m'aurait dit, je vis seul et je baisse les deux voisines plus ma femme qui n'habite pas à la maison, là j'aurais... Ah ouais, là ça aurait été jackpot, ouais. J'allais prendre des cours tout de suite. Grave, alors que pas là, non. Mais quoi? C'est dans le même immeuble, hein. Oui, j'avais bien compris. Ah ouais, bah, bien sûr, bah, tant qu'à faire, autant faire jouer le côté pratique. Non mais c'est vrai, on va pas se faire chier à se déplacer, à aller à gauche, à droite. Non, tu fais jouer le côté pratique et tout reste à la maison, tout reste dans le même immeuble. Ah ouais, et rassure-moi, t'es sur d'autres dossiers là ou pas, là, non? Ah bah non, pour l'instant je suis en stand-by. Ah t'es en stand-by, d'accord, ok. C'est comme quand tu prends l'avion, t'es en stand-by, c'est pas si tu vas monter, bah c'est pareil. Que ma femme m'a invité à manger ce midi, alors, avec son nouveau compagnon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, parce que là je pensais avoir compris l'histoire, mais en fait on a rien compris. Donc toi t'habites avec ta femme, Michael, mais... Ah bah oui, mais je suis séparé maintenant. Ah vous êtes séparé, mais vous habitez au même endroit? Ah bah dans le même quartier, on est à 2 km à tout casser. Mais dans le même quartier, vous êtes à 2 km, d'accord, ok, très bien, oh putain le bordel de Et merde. Tu couches toujours avec elle? Ah bah bien sûr. En plus elle m'a présenté des copines à elle. Alors, Oh là là, putain, elle est... Tu t'es mis bien là? Ah bah moi je suis impeccable. Mesdames et messieurs, notre ami Jean-Luc et son nouveau tour. Le harem de Jean-Luc. Bon Jean-Luc, elle s'appelle comment ta femme, son prénom? Marie-Lise, la première maîtresse. Jean-Luc. Elle s'appelle comment la première maîtresse? Il a oublié. Attendez. Albertine. Albertine, c'est bon ça. Et la deuxième maîtresse? Il a oublié. Janine. Ah Janine, putain. Il ne demande pas son nom pour la fourrer. Ah bah non, bah c'est sûr. Donc Albertine et Janine, toi tu tapes dans le lourd, hein, Jean-Luc. C'est bon ça. Il tape pas son âge. La troisième, c'est Chantal. Qu'est-ce que c'est? Comment ça la troisième? Parce qu'il y en a une troisième maintenant? Ça fait quatre! Ah bah non, j'en ai deux qui s'appellent Chantal. Je ne comprends. Bon, bah en tout cas, t'es un bon niqueur, toi. Hein. Ah ouais, bah. Mec, t'as une santé de ouf! Bah, t'es un bon lapin, hein! Elle se plaigne pas, hein! Ah bah j'imagine bien, tu m'étonnes! Bon, mais bah merci Jean-Luc! Hein. Jean-Luc, tu prends des trucs quand même, rassure-moi! Petite bilule bleue ou pas? Non, absolument rien! Ah d'accord, ok. Bon bah écoute, très bien. Juste un petit coup de mousseux que du naturel. Bon Jean-Luc, quand on a des problèmes sexuels et tout, on te rappelle, hein. Ouais, bah, si vous voulez, question pratique, je peux donner des conseils au point de vue médecine. Eh bah, dès qu'on a des conseils, dès qu'on a des questions, on te rappelle. Point de vue médecine. Ça marche. Salut Jean-Luc, et merci beaucoup, hein. Vous avez pas des petits cadeaux éventuellement? Oh bah si Jean-Luc, tu vas gérer ça. Je te repasse Sandro au standard, sans problème Jean-Luc. Ouais. Mais les préservatifs, oui, éventuellement ça peut m'intéresser. Eh bah t'inquiète pas, je t'en mets Jean-Luc, y'a pas de problème. Salut Jean-Luc. Allez, ciao. À bientôt Jean-Luc. Oui, ça roule. Grand chef. Salut, ciao Jean-Luc. Salut Tony, salut Paul. Et putain, il était rock'n'roll lui, hein. Salut. Ah, il est tout au taquet lui. Un truc à ajouter, Paul? Quoi? Oui, si tu avais un truc à ajouter. Non, pas du tout, non. Eh ben très bien, ben merci à vous deux d'être passés. En tout cas, salut à Lyon, salut à Metz, à bientôt. Salut. Ciao à vous. Ouais, Tony. Il est un peu bizarre votre Jean-Luc là, non? Bah, il était un peu rock'n'roll, voilà, c'est ça. Il vivait dans un monde parallèle. Mais c'est bien aussi. Non, mais moi je kiffe le concept d'avoir plusieurs meufs dans le même immeuble. Ah, mais ça pourrait être le père de Toff. Hein. Ah, ça pourrait être le père de Toff, c'est clair. J'adore l'idée. Sans déconner. Salut Tony, merci beaucoup d'être passé. À bientôt. Bon, on va se refaire la colle avec Damien qui est avec nous là. T'es là, Damien? Toujours. Bon, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Je l'avais promis, il va arriver dans quelques minutes. Damien, donc des Bouches du Rhône, qui va nous refaire péter sa petite colle. Vas-y, vas-y. Alors, mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un meuble à 4 pieds. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, faut envoyer Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Mon premier est un moyen de transport, mon deuxième est un meuble avec 4 pieds. Qui suis-je? On proposait un garçon. Non. Un déambulateur. Non plus. Des rouleaux de BMX. Non plus. Je sais pas ce que c'est. Un buffet, genre le meuble, le buffet. Non. Un bahut. Non. Bon bah les autres allez-y hein. Si vous avez bonne réponse n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a le pack qu'on vous offre, le My Crazy Collection pour vous mesdemoiselles. C'est des sous-vêtements au bad. Ça vaut 100€ quand même quasiment. Et on vous offre ça ce soir pour les filles donc. Et pour les garçons bah, vous pouvez le gagner aussi. Ça vous permettra de l'offrir à votre copine. C'est offert par Mesdessous.fr. Évidemment. Bon et ben on te récupère Damien dans quelques minutes, puisqu'on donne la réponse avant minuit 30, ok? Allez, ça marche. Bon bah très bien, bah reste avec nous Damien. On va s'écouter aussi le son de Eric Arborès. Je vous l'avais promis juste après, je vous ai dit. Toutes les demi-heures on fait péter un petit paquet, donc un petit package My Crazy Collection, les sous-vêtements qu'on vous offre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Allez, restez avec nous, JF va revenir, Anthony, il y aura également Léo là qui s'est déjà tapé, enfin qui a failli se taper un travelot, mais il s'est arrêté juste à temps. Et on écoute le son d'Eric Arborel, je vous l'ai promis, c'est parti, c'est Get Ready maintenant sur Fun Radio, il est minuit 2. Bienvenue si vous débarquez, c'est Mickaël No Limit, on est là tous les soirs jusqu'à 2h sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs là, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h du mat, tous les dimanches également de 20h à minuit, avec un message de Sébastien qui a envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit là, que vous pouvez télécharger d'ailleurs. Hein. Si vous avez un iPhone, un iPod ou même un iPad, vous allez sur iTunes, tapez M-I-K-L No Limit, c'est gratuit. Et vous pouvez écouter l'émission en direct, vous pouvez écouter Fun d'ailleurs en direct, vous pouvez écouter les podcasts, vous pouvez même participer à l'émission et être tenu au courant de tout ce qui se passe. Et Sébastien qui dit bonsoir, j'écoute Fun depuis pas mal de temps, ce serait pour un message de bienvenue pour moi et mes potos, Eddy Alexis, surtout Quentin qui aime se faire plaisir avec un aspirateur Dyson. Alors en plus le mec il prend celui qui quand même aspire super bien hein. Ah, c'est-à-dire que Dyson, le Dyson il va bien hein. C'est moi sûr que ça lui donne du plaisir. Ouais c'est vrai, bah attends tiens un message pour tous tes potes tiens. T'es plein de cul au PD, voilà encore un petit. Allez vous faire foutre, il fait des têtes de con. Voilà ça c'était pour Eddy Alex, et puis pour Quentin je vais mettre bah celui-là qui lui va comme un gant. Où tu vas là, espèce de pervers là. Voilà, comme ça au moins vous avez une petite triplette. Le prince Nadia qui dit après l'amour, ça m'est arrivé une seule fois de pleurer de joie. Tellement j'étais aux anges. Pour l'instant, ça n'est arrivé qu'une seule fois. T'imagines, c'est quand même un peu. C'est un peu glauque quand même. Hein. Même si la fille est aux anges et tu te dis, bah finalement c'est bien, c'est que ça a bien marché, c'est que j'ai bien fait le boulot, entre guillemets. De l'avoir pleuré, tu sais. Il y a un moment, ça fout un peu l'angoisse. J'ai raconté l'histoire de mon pote où la meuf est en train d'hurler. Elle lui a griffé le dos. D'ailleurs, il a encore les marques avec ses ongles. Et la meuf s'est mise à pleurer, il savait plus où se mettre. Mais oh véridique. Putain, quelle angoisse. Un pote ou c'est à toi? Un pote, non, c'est non, pas parce moi, que c'est toujours l'histoire du pote. Ouais, mais j'ai un pote. Ouais, c'est ça. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Il y a Jérémy Titi qui dit aussi, la croix de mon grand-père avance, pauvre homme de 82 ans, il le fait pour toi avec le bois des Vosges. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est du lourd, ça. Dis pas à ton grand-père à quoi elle va servir la croix. Hein. Mais enfin, en même temps, il se doute, hein. Une croix en X, hein, pas une croix. Ah ouais, pas une croix catholique. Ah hein. Non, on n'en veut pas de ça. Enfin, ouais. Et tu feras moins le malin quand tu l'auras, la croix, Toff. Ah ouais, il fera moins le malin. Tu vas la mettre où? Bah, on va la mettre dans le bureau. Mais oui, bah il va faire ça des dégueulasseries dans le bureau. Bah tu sais quoi, tu mettras ça dans le bureau du sous-chef ou du sous-sous-chef. Oui, ils s'en servent pas dans leur bureau. Voilà, et tu feras tes dégueulasseries là-bas. D'accord, moi ça me va. Ah bah voilà, c'est parfait. Mais le sous-chef, il peut peut-être aimer. Hein. Enfin, oui. Et le sous-sous-chef aussi, cela dit au passage. Bon, allez, tous vos messages qui arrivent en direct maintenant sur Fun Radio, continuez à les balancer, bien sûr. Vous nous appelez, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tiens, Damien, comme t'es là, tiens, Damien, ouais. Est-ce que t'aimes bien regarder la télé, toi? Il y a une émission que tu kiffes en particulier? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, bah là, on était tombé sur les extraits de l'émission Pour tous. Il y a Galabru qui a une bonne nouvelle pour Toff. Alors, vaut mieux écouter. Je veux bien que vous me fassiez croire n'importe quoi et que pour faire rire, vous jouiez les modestes, ouais, mon cher Michel. Mais en 65 ans de carrière, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas ramassé des petites gonzesses par-ci, par-là. Non, non, ma vie est un échec. Quand j'ai eu un peu d'argent, j'en ai vu arriver une ou deux. Comme Toff, la vie est un échec. Hein. Un échec cuisant, même. Ouais. Et puis, si vous aimez le rap, j'ai le plus grand rappeur du monde et ça c'est beau. Shit. 5, 6. Ouais, vous tous les soirs, vous êtes obligés de vous taper des cajous alors que moi je tartine des nymphos. Ça m'étonne pas que je suis autant jalousé car j'ai la classe de Dr. Dre. Je n'irai pas jusque là. En tout cas, il n'a pas le flow, c'est sûr. Ah, il n'a pas le flow parce que déjà, il arrive à rapper, mais même pas dans le rythme de la musique. Hein. Pourquoi il choisit pas une musique plus lente à la limite, en fait, au final? Et puis, dans Tellement Vrai, il y a une candidate qui nous explique pourquoi elle n'aime pas la lecture. Non, je sais lire, attention. Hein. J'imagine. Mais je comprends pas trop. En fait, c'est trop des mots compliqués. C'est les mots les uns après les autres, c'est dur à assembler. C'est trop bourgeois, les mots. Ah ouais, c'est bourgeois, les mots. Effectivement, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est bourgeois, c'est les assez, mots. C'est assez bourgeois, je comprends. Ouais. Bon, allez, on va récupérer Damien avec la colle dans quelques minutes, Anthony, Léo également, Jean-François et puis vous toutes et vous tous en direct avec également notre ami Bruno qui est avec nous maintenant là pour faire le chéri, je peux te faire cocu là. Comment ça va Bruno? Salut l'équipe, salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Bon, très bien, bah, bienvenue à toi Bruno. Alors, t'appelles de Colombes et nous allons faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Et assez rare d'ailleurs hein, qu'on fasse un chéri, je peux te faire cocu avec un mec qui veut piéger sa meuf. Ah, c'est souvent mal. L'inverse. Et c'est plutôt du style et nerveuse ta copine. Ah, elle est très très nerveuse. Ah bon, alors peut-être que ce sera pas ce que je viens de dire. Alors, comment elle s'appelle? Rachel. Rachel, très bien. Alors, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 5 ans, 5 ans et demi. Ah ouais, d'accord, ok. Vous habitez ensemble? On habite ensemble, oui. Parfait. Bon, t'es où là actuellement? Là, je suis chez une amie. D'accord, ok. Et elle est quoi? Elle est chez vous? Elle est à la maison. D'accord, ok, bah, très bien. Ce que je voulais savoir, c'est parfait. Bon, alors, impeccable. Donc, t'es censé avoir rencontré Sandro où alors? Parce que c'est elle qui va faire le jeu. Moi, je serai derrière, je serai l'ami de la famille. On va voir, on trouvera bien. Je me trouverai bien un rôle. Oh, Michel a toujours une petite place. Bah oui, je m'improviserai bien un rôle. Donc, t'es censé avoir rencontré Sandro où? T'as fait une soirée récemment ou je sais pas. Récemment, en pleine journée, donc pas une soirée. Ouais, non, mais en pleine journée, c'est bon aussi, hein. T'as fait quoi? J'étais invité chez Thomas. D'accord, très bien. Et donc là, t'as rencontré une meuf, une copine de Thomas, très bien. Moi, je serais un copain de Thomas, donc tout va bien. Eh ben, écoute, nickel. Est-ce qu'il y a un prénom qu'elle déteste, un prénom de fille? Véronique. Ah bah très bien. Bah Sandro s'appellera Véronique. Très bien. Véronique qui. Viré quand on l'a. Exactement. Pique. Allez, c'est parti. On y va. On l'appelle. Bonne chance. Comment elle s'appelle? Rachel, elle s'appelle. C'est ça que tu m'as dit? Rachel, ouais. Très bien, allez vas-y. Et Bruno, n'oublie pas, ne fais pas non plus un truc style t'es au bord de la déprime, hein. Fais un truc genre ouais t'es fier quoi, t'es ouais, fier ouais. De lui annoncer. Voilà, t'es content, t'es un homme bien. Parce que tu lui prouves que t'es fidèle et que tu lui annonces. Tu lui demandes son autorisation. Allô? Allô Doudou? Oui Doudou. Ça va? Bah oui mais tu fais peur les gens. Mais pourquoi je te fais peur? Parce que t'appelles un inconnu. Bam! Bingo! Ouais, mais attends, oui, ça lui bon, fait c'est peur. C'est pas grave, hein, oui. Inconnu, je sais que t'as du mal à répondre, mais c'est pas mon téléphone. Ah, d'accord, oui. C'est le téléphone d'une amie. Quelle amie? Ah, d'accord, pour d'une amie. Oui, en fait, je suis sorti, ça je t'ai pas donné de nouvelles. Oui. Donc, je suis chez une amie, elle s'appelle Véronique. Oui. Donc, j'avais envie de déstresser un peu, hein, trop de tension. Oui. Mais pourquoi il fait ça avec un air? On a l'impression qu'il va enterrer sa famille. Une soirée, pardon. La journée n'était pas là, donc évidemment, moi, j'ai été invité chez Thomas. Thomas, tu le connais pas? Non, je connais pas, non. Donc j'étais chez lui, et il y avait une amie à elle. J'ai fait connaissance avec elle. Oui. Et donc, on a bien discuté. D'accord. Et sa famille. Il y a quelque chose que je voudrais t'annoncer. Oh là là. Bah tu m'annonces. Bah, on, voilà. Gueule. On est grand, on peut parler, tu sais. Moi, je suis pas c'est, avec c'est, elle qui, c'est elle qui tient. En fait, ouais. Voilà, on ne sait plus. On, ouais, il tremble. Attirance physique. Oui. Et elle m'a proposé de coucher avec elle. D'accord. Donc, je t'appelle pour te faire cette demande, si tu acceptes que je couche avec elle sans problème. Alors, moi, je vais te dire une chose. C'est que je te dis une chose sincèrement. Et que je suis pas fâchée avec toi, alors là, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, chérie? Attends, je peux parler je avec demande, Bruno. Je lui demande. Attends. Attends. Moi, ce que je voudrais qu'on parle tous les deux, sincèrement, sans se bagarrer, tu sais, moi, je suis cul, tu me connais maintenant. Et oui, depuis 5 ans. Et bah, si c'est ce que tu as envie, Bruno, après aujourd'hui, on est... Oh, chérie! Attends, dis-lui, chérie. Je peux parler. Attends, laisse-moi parler. J'ai pas de temps à perdre. Parle plus vite, là. Qu'est-ce que t'épêches? Vas-y, fais ce que tu veux et après, bon, on discutera plus tard, mais c'est pas pour qu'on se bagarre. Hein. Moi, j'ai rien à dire. C'est maintenant. Tu me fais chier maintenant. Ouais, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Hein. Voilà, ouais, je sais. Attends, j'arrive. Bon, attends, passe-moi le téléphone. Ok. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi je disais à Bruno que moi je n'en veux pas de toute façon entre nous en ce moment. Ça va pas. Ah, t'en veux pas de Bruno, t'en veux plus? Non, pas ça. Ah ben bah non, moi je récupère, hein. Je prends les miettes. Hein. Non, mais moi j'aimerais bien que bah si on puisse, on peut discuter sérieusement. Après moi je suis pas fâchée. Hein. Ah mais là on voulait pas discuter en fait. Je crois que t'as pas compris. Non. Moi il me plaît Bruno. Oui, bah voilà, bah si voilà, mais moi et Bruno on vit ensemble, mais il faut bien qu'on discute par rapport à ça. C'est ça que je lui disais. Oh, dis donc, t'as l'air coincé du cul, hein. Écoutez, moi, je veux parler que à Bruno, c'est tout. Après, à Véronique, si elle veut me parler, moi, je veux lui parler, c'est tout, pour lui dire. Mais après, si vous voulez pas m'écouter, vous dites que je suis coincée. Moi, je suis gentille, justement, je suis une gentille fille. Une fille coincée, elle aurait fait tout un scandale, elle aurait dit à son... Ah, on aurait préféré, hein, j'avoue qu'on aurait préféré, hein. Ça, c'est, ça nous a un peu tué le délire. Hein. Bon, Bruno. Je ne fais pas de scandale. Ouais. Bruno, mais justement, scandale, c'est bien ça le problème. Bon, Rachel. Oui. Bon, t'étais sur Fun Radio, mais on s'est un peu fait chier. Pourtant, on a tout fait pour, on a vraiment essayé, on a tout donné. Et donc voilà, le but c'est que ça s'énerve un peu et puis là elle était plus. Non mais vas-y, va bien, pas de problème. Ah bah non là non. Ah bah du coup vous passez à côté de la Wii U, c'est quand même dommage dans l'absolu. Ouais. Hein, bah, enfin bon, c'est ouais, putain. Ah mais c'est pas. Ah là là. Vous pouvez quand même me donner le cadeau quand même. Ah bah non parce que là on s'est pas bien marré là pour le coup, hein. Ça c'est. Bah éventuellement on peut t'offrir Toff comme cadeau si tu veux, mais c'est ce qu'on peut faire, hein, c'est. Et qu'est-ce que vous voulez m'offrir comme cadeau, je sais pas. Eh bah Toff, voilà, tu verras, je suis parfait. Ouais, j'irai pas jusque là, mais c'est une nuit, ça passe. Ouais, bah alors sans allumer la lumière. Oui, bah c'est sûr. Ouais. Bon, et eh ben tant pis alors, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée quand même. Voilà, tu vois, t'aurais fait ça, t'aurais dit enculé, ferme ta gueule, Véronique, t'es une sale pute, pétasse. Ah bah on aurait été content, tu vois. Ah bah ouais, t'aurais dit ça par exemple. Hein. Espèce d'enculé. T'es... Voilà, hop. Et tu vas fermer ta grande gueule. Eh ben, on se serait marré, ça aurait été cool. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, ben, eh ben une prochaine fois peut-être. Bon, ben salut tous les deux, à bientôt. Bye bye. Bon, et si vous voulez, bah tentez votre chance aussi, n'hésitez pas, on va en refaire un du coup. Hein. 01 42 48 5000, inscrivez-vous maintenant. Il y a Mathieu qui dit elle est excellente là. Trop compatissante. Bah oui, ça c'est clair. Ariel qui dit elle a l'air trop open la meuf. Et le tongu du web qui dit elle est parfaite Rachel. Ouais, alors elle est parfaite, sauf que bah du coup, comme vous avez pu le remarquer, on s'est pas méga overmarré. Donc j'espère que le suivant sera bon. Semaine dernière on avait fait un canular de merde avec comment ça s'appelait encore, Kevin, c'est pas ça? Kevin qui se l'a ramené, non? Kylian qui se l'a ramené, on avait fait un canular pourri, juste après on avait fait un canular qui déchirait. Donc j'espère qu'on va partir dans le même délire maintenant, là, si vous voulez participer, bah on a via de Bruno qui nous a foiré le truc aussi, là, et ben on va refaire un autre dans quelques minutes. Voilà, il y a Guillaume qui dit je commence à m'endormir, mets-moi l'alarme s'il te plaît. Ah oui, attention, alarme! Voilà. Ah ça tue bien l'oreille ça quand même. Oh là là, quelle angoisse. Allez hop, debout tout le monde là, comme ça vous le savez. Putain, ça siffle. Ouais. Dans mon oreille, c'est un truc de ouf. Voilà Guillaume, tu l'as eu. Et Jérémy Titi qui dit non, j'ai précisé une croix de sadomasochiste à mon père, mais là il a rigolé. Bon bah très bien. Ça écoute, va au moins, il sait de quoi ça, si quoi on ça parle. Si on peut avoir ça, tant mieux. Allez, on va faire encore un autre gagnant ou une gagnante maintenant pour les sous-vêtements au bad qu'on vous offre avec. Medesous.fr. Voilà. Et donc suffit d'appeler, hein, suffit de décrocher maintenant et on en a offre toutes les 30 minutes, ça tombe. On en a offert tout à l'heure déjà, c'est parti à Bordeaux. Allô. Allô. Bonjour, oui. Comment tu t'appelles? Quentin, c'est ça? Ouais. Très bien, Quentin. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelle parce que tu t'es inscrit là pour repartir avec les sous-vêtements au bas de ta une meuf. Ouais, j'en ai une. Très bien, bah voilà, comme ça te fera un cadeau pas cher. C'est bien, hop, cadeau Saint-Valentin. Hop, vite fait comme ça, ni vu ni connu. Très bien, et ben voilà Quentin, on va t'offrir ça. Ça vaut quasiment 100€, les sous-vêtements. Donc au BAD, offert par Mesdessous.fr. Voilà, on va t'offrir ça, c'est dans une belle petite boîte. C'est la My Crazy Collection. Salut Quentin. Salut. Bonne nuit. Salut. Hein, Quentin. Ouais, bonne nuit. Ah bah, bonne continuation de nuit, on va dire ça comme ça. Bon, on va se refaire un autre chéri, je peux te faire cocu après. Léo, Anthony et Jean-François, on va les récupérer. La réponse à la colle avec Damien, c'est ce qui va arriver également sur Fun Radio. Et puis en début d'émission, là, on avait demandé le son de Pharrell Williams. Bon, on va se l'écouter maintenant, c'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. C'est parti, continuez à balancer vos messages évidemment jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et le prince Nadia qui dit: Mickaël, ouf, un autre chéri, je peux te faire cocu qui va arriver à l'antenne. C'est bon ça? Ah bah oui, non mais on était obligé là pour le coup, on n'a pas le choix là, il faut en faire un autre. Ah bah oui. Il y a Tom également qui dit un message de bienvenue pour un gros lèche-bot comme tu as dit. Bien sûr, avec plaisir. Attends, parce que je sais pas si t'es parisien ou pas, j'en avais un sur les parisiens là. C'est ta main dégueulasse. Voilà. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, on en fera d'autres des appels tout à l'heure, hein, avec Toff, bien entendu. On va également faire la réponse à la colle. Et puis Léo également, là. Toujours là, Léo? Toujours, toujours. Bon, écoute, contre toute attente, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, mais finalement pas. Il y a personne qui, en tout cas, personne n'ose avouer être tombé sur un travelo comme toi. Hein. Bah, sinon, on aurait pu aller. On aurait pu aller au bois de Boulogne. À la sortie du bois de Boulogne. C'est vrai qu'on aurait pu aller au bois de Boulogne, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas arrivé, Léo, là. Donc, mais ça va, ça t'a pas traumatisé non plus, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, Léo nous avait appelé parce que il avait, c'était une petite drague de meuf, c'est ça? Ouais. Voilà, et puis en fait, il s'est rendu compte qu'elle avait le service 3 pièces. En gros, elle avait, les boules et les couilles. Une bite et les boules, pardon, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, et donc du coup, bah tant mieux, ça t'a pas terrorisé, tout va bien. Et on a appris également que c'était encore un fantasme de Toff de tomber sur un travelo. Mais oui. Non mais improbable. À chaque fois, tous les jours, on en apprend sur ce monsieur. C'est clair, c'est clair. Mais faut essayer, après si j'aime pas, je recommencerai pas. Arrête de dire de la merde, Toff, tu vas pas essayer ça. Pourquoi pas? Mais c'est... Bon alors, je sais plus. Voilà. Et bien, très bien. Bah voilà. Voilà. Si je trouve un travelo qui me plaît. Mais arrête, bah, essayons c'est ça pas aussi. Vrai. Bon, c'est vrai. Eh bah, Léo, merci à toi d'être passé, ouais, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Oui, vas-y Léo. Juste pour savoir déjà si tu peux avoir une petite boîte à plaisir ou pas, ce serait possible. Mais tu m'as pas dit que t'étais célibataire? Si, mais en fait j'essaye de gérer une meuf, ça pourrait être. Ah l'enculé. Et l'avoir gratos évidemment, tant qu'à faire. T'as bon, compris, toi. C'est la My Crazy Collection de chez Obad offert par Mesdessous.fr. Voilà, bah on va t'enfiler une, y a pas de problème, Léo. Super gentil, vous êtes les préférés, je vous écoute tout le temps. C'est le gentil. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que Polo, dès que j'ai mon permis, viens, je te casse la gueule. De quoi, Polo quoi? Dès que j'ai mon permis, je viens, je lui casse la gueule, comme on avait dit. D'accord. À Polo, pourquoi? Ah non, c'est mais pas Polo, c'est Toff. Je m'en fous, tu sais. Non, c'est Toff. Ah, c'est Toff qui a traité ta mère. Mais tu peux venir parce que j'ai fait un peu de sport dans ma vie moi aussi. Voilà. Je vais te montrer un peu avec ton Krav Maga. Ouais. Tu as fait de la danse? Bien sûr, ouais. C'est vraiment plus. Tu vas voir. Voilà, non mais c'est il surtout Toff. C'est surtout Toff, Léo, qui formait okay, à sa place. Il n'y a pas de soucis, je vais le prendre sur la croix en plus. Je vais eh ben voilà, en plus, ah, oui, et en plus, je te rappelle qu'il a traité ta mère. Et ça ne se fait pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah non, bah ça c'est clair. Mais merci Léo, en tout cas, tu passes quand tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis, passez une très bonne soirée, je vous adore. Salut Léo, merci beaucoup, ciao à toi. Bon, on va se faire également la réponse à la colle dans quelques minutes. Et avant ça, on prend Anthony de Marseille. Comment ça va, Anthony? Allez, allez Marseille, ouais, allez, Marseille qui a gagné ce week-end. Pour une fois, t'as raison, faut le dire. Hein. Eh ouais, Marseille qui a gagné. T'as vu le match ou pas, Anthony? Ouais, j'ai pas vu. Ouais. Attends, t'es pour Paris? Ouais, Paris. Non, t'es pour Paris, Anthony? Bien sûr. Ça fait un crédit avec ton accent. Oh putain de parisien. Et bien oh, comment sûr. Comment tu me parles? C'est pas moi, c'est un ami à toi. Oh putain de parisien. Voilà, c'est ça. Oh, culé. Bon, Anthony, qu'est-ce qui t'amène? Anthony? Allô? Oui, qu'est-ce qui t'amène? Ben en fait j'ai vu des ovnis. T'as vu des ovnis, c'est-à-dire avant? Pourquoi il rigole? Je comprends non, pas là. C'est pas, non, c'est avant ou après le pastaga? Malheureusement, je bois pas. Ah merde. Ah merde, d'accord, ok. Bon, et donc du coup, t'as vu des ovnis, c'est ça? Ben en fait, j'ai vu des trucs qui ressemblaient à des ovnis. D'accord. C'est-à-dire, ça ressemblait à quoi? Triangulaire. Ouais. Des flashs. Ouais. Et une odeur bizarre. C'est-à-dire, ça ressemblait à quoi l'odeur? C'est Toff qui est venu avec l'autolib. C'est ça, ouais. Une odeur de fermentation. Ah, de fermentation? D'accord. Mais tu l'as vu où, cet ovni? C'était où? À la cité des Catalans. Et tu as vu des ovnis là-bas? Ouais. Et tu as prévenu les secours? Non, j'essaie de chercher à comprendre. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse à ta question? Un nom est venu. Ah, dis-moi, quel nom, Toff? Panneau. Panneau? Comme un panneau. Oui, c'est bien, c'est une idée, pourquoi pas. Hein. Bon, et dis-nous, cela dit, si vous avez déjà vu des ovnis, t'as déjà vu des ovnis, toi ou pas, Toff? Oh mec, tu es méchant malade. Moi non, jamais, j'aimerais bien, moi quand enfin, ah, lui non. Aimerait tout faire, lui, Toff. Non, parce qu'il veut se faire enculer, il veut se faire attacher sur une croix. Parce qu'il est fan de X-Files. Ouais, moi je suis Ouais. Je suis un grand fan d'X-Files, donc en fait, pendant toute la période d'X-Files, moi j'ai acheté tous les bouquins, parce que c'était la grande période sur les ovnis, les rencontres du troisième type, tous ces trucs-là. Il avait un costume pourrave comme Mulder, ouais, et en aluminium, en feuille d'aluminium, c'est ma mère qui me l'avait cousu et tout. Oh. Et donc ouais, non, moi j'y croyais à fond, mais non, ça m'a un peu passé, mais quand j'étais gamin, ouais, j'y croyais vraiment à tout ça. Note sur 4 milliards d'étoiles, il doit bien y avoir quelque chose. Mais il doit bien y avoir des mecs quelque part. Parce que statistiquement, c'est quand même bizarre que sur 4 milliards d'étoiles, il n'y en ait qu'une où il y a quelque chose. Tu vois, c'est bizarre. Quand tu vois le sous-chef, tu te demandes, ça existe, les extraterrestres. Vu sa gueule. Non mais c'est vrai. Bon, et donc toi, t'y crois, toi, Anthony, ou pas? Moi, oui, j'y crois. Toi t'y crois. Bon, on va faire un tour aussi dans quelques minutes. On va faire un tour de table pour voir qui y croit, qui n'y croit pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des extraterrestres, des ovnis, etc. Parce que ovni veut pas forcément dire extraterrestre. Hein. Ovni c'est jamais qu'un objet volant non identifié. Ça peut être n'importe quoi tant qu'on l'a pas identifié. Ouais. Voilà, si tu lances quelque chose avec que l'autre ne sait pas ce que tu voilà et qui reconnaît pas le boomerang, c'est un objet volant non identifié. Ah oui, donc si Polo me lançait comme ça du cinquième étage de la radio, ouais, tu serais un objet volant pas très longtemps, mais un objet volant non identifié en effet. Ouais. Mais ça tomberait très vite hein, pour le coup, c'est vrai. Bon, et toi Aurélie, tu crois toi au boomerang, j'allais dire maintenant, aux ovnis ou pas Aurélie? Très sincèrement non. Pas du tout. Pour toi c'est pourquoi ça n'existerait pas? Peut-être que c'est possible dans la tête de certaines personnes, mais pour moi, non. D'accord, donc toi, tu crois qu'il n'existe rien d'autre hormis la planète bleue? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est possible, peut-être, mais rien n'a été prouvé. On est visité. On est visité, ouais. Ça voudrait dire que Capitaine Flamme et Goldorak, ils n'existent pas? Non, exactement. Ça n'existe pas, c'est des dessins animés tête de con. Ouais. Non, mais. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. C'est ça. C'est des croyances, hein. Donc Aurélie, donc toi. On va scruter les étoiles, mes amis. Ouais. Eh ben on scrute, mais là on voit rien là. On reste des heures et des heures, mes amis. Ah, mais c'est. Les étoiles filantes quand même, elles sont là. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, mais les étoiles filantes en fait, c'est jamais que. Enfin, c'est pas vraiment des étoiles, hein. C'est. Enfin, moi bon, je vais pas rentrer dans le détail, je vous expliquerai dans quelques minutes. Mais Aurélie, reste avec nous. Anthony, ne bouge pas de là non plus. Bah, les autres, appelez-nous hein, si jamais vous y croyez ou pas, justement. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Romain qui dit Toff, enculé par un alien. Pourquoi pas? Bah, c'est une idée. Ça se tente. Bah, il est ouvert. Mais est-ce que les aliens seront bien membrés? C'est ça la vraie question. Ça aussi. Il y a Camille qui dit un Marseillais supporter du PSG, on aura tout vu. Tu m'étonnes qu'il est. Attends, oui, c'est ça, oui. Par rapport au fait qu'il soit supporter du PSG alors que c'est un Marseillais, tu m'étonnes qu'il croit aux ovnis. Il y a Secret Key qui dit si tu m'offres les sous-vêtements, je fais une photo avec. Banco! Ah bah, Secret Key. Alors, Toff s'engage. Je m'engage à quoi? Non, elle envoie les photos sur polo@fanradio.fr par contre. Oui, bon, peu importe. Voilà, après ça arrive. Tant que ça arrive, hein, y a pas de problème. Eh ben, on va t'envoyer une boîte, Secret Key. Mais il faut que ça arrive. Hein? Ouais, bah oui. Faut qu'on puisse voir. Ah bah évidemment. Oui. Voilà. Bon, pas de problème, c'est Claude qui. Petit Kiwi qui dit Mickaël, c'est pour quand les t-shirts comme un air de rock. Alors c'est la semaine prochaine. Je sais que ça fait deux fois que je le dis, mais cette fois-ci c'est sûr, dès dimanche on vous en offrira. Et Awards Dragon qui dit fidèle depuis le début, Mickaël, c'est une joie de vous écouter tous les soirs. Continue à tout déchirer. Merci beaucoup. En tout cas, on n'est pas prêt d'arrêter. En tout cas, c'est pas prévu. Voilà. On va faire les appels de Toff maintenant. Ça, c'est ce qui est prévu tout de suite. Allons-y. Je rappelle donc que nous sommes tombés sur une magnifique enquête, hein, comme on aime bien, comme on les aime. Voilà, en toute simplicité, une magnifique enquête comme on les aime, qui donc parle de ce que vous faites après l'amour. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, bah, j'appelle les gens pour savoir ce que eux font après l'amour. Évidemment. Donc on appelle les premiers numéros. On en avait déjà appelé un tout à l'heure qui était très charmant. On en appelle d'autres maintenant, des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va. On appelle le deuxième ce soir. Et puis Ravici juste après avec Addicted to You. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous faites après avoir fait l'amour. Pardon ? Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini de faire l'amour ? Je prends une carotte et je la mets dans le cul. Ah oui, c'est pas mal ça, monsieur. C'est une idée. Mais après, je pense qu'il a dit ça pour te vanner. Hein. Mais je pense qu'il faut le rappeler. Bah oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. C'est parti, on rappelle monsieur Carotte. Ouais, Ragnar, t'as encore un problème de direction ? Bah non, pas du tout, monsieur. C'est parce que vous avez pas vraiment répondu à ma question. Va dormir. Bah oui, mais répondez à ma question avant, monsieur. Non, c'est pas grave, tu vas dans les chiottes, tu te branles un petit peu, tu vas voir, ça te souvient. Bah, moi, j'ai le top de la chiotte, mais une bonne carotte, non, c'est de la bonne. Bah oui, d'accord, monsieur, mais pourquoi vous voulez pas... Allô ? Ah mais pourquoi il raccroche tout le temps comme ça ? Il est relou, là. Bon, on le rappelle. Allez, hop, c'est parti, on y retourne. Non, il veut partir dans les chiottes avec une carotte. C'est pas très clean, tout ça. C'est un lapin. Ouais, peut-être. Bon, dis-moi, je suis inquiet pour toi là. Bah pourquoi vous, monsieur, vous êtes inquiet ? Bah je suis inquiet pour toi, mon lapin. Bah pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Non. Tu sais ce que je fais là ? Non. Bah, je vais te le dire. Bah dites-moi, monsieur. Je te dirai pas, je suis pas mon cher. Ah bah oui, mais enfin bon, vous venez de me dire que vous alliez me le dire. T'as raison, du coup. Bah oui, alors qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Et tu peux m'appeler toute la nuit, t'inquiète, je suis là. Et si tu veux m'appeler, tu m'appelles pas en privé, espèce de con. Mais je peux pas, monsieur, c'est bloqué dans le téléphone. Mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, moi. Allô ? Oh putain ! Il est encore parti ! Il est relou ! Bon, allez, hop, on y retourne encore une fois. J'ai dit que c'est la dernière, mais bon, pour les carottes. Tu sens qu'on peut tirer quelque chose de lui. Il a l'air ouvert et gentil. Cordial, agréable, enfin bref, tout ça. Oui, dis-moi. Oui, monsieur, non, parce que vous voulez pas répondre à ma question et c'est pas gentil. Oui. Bah voilà. Donc la carotte, ça a pas marché, alors. Oui, mais enfin, c'est limite, quand même, la carotte, quoi. Bah, ça dépend. Après, il faut manger aux concombres, hein. Ah oui. Vous mangez des concombres, vous, après avoir fait l'amour ? Ah non, moi, je connais pas, mais à mon avis, je pense qu'il faut t'arriver dans un grand concombre, tu te le mets vraiment sous le cul, tu vois, ça va te faire du bien. Ah oui, vous pensez ? Bah, je pense pas, moi, c'est toi qui penses. Ah bah non, moi je sais pas, moi je vous demande ce que vous faites après l'amour, c'est vous qui me dites que vous mettez des concombres. Non, bah t'as pas besoin de toi, moi. Ah bah oui, mais alors vous faites quoi, vous ? Bah rien du tout, t'occupe. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur, pour vous demander. Bah justement, moi aussi je m'inquiète pour toi. Mais pourquoi vous inquiétez pour moi, monsieur ? Bah y'a pas de raison, monsieur. Et comment tu fais, toi ? Bah moi je fais rien, monsieur, parce que vous savez, une fois que je me suis branlé, je m'endors. Oh bah merde, alors bah dors, et laisse-moi tranquille, du con. Bon bah je pense qu'on saura jamais, hein. Non. Ah, il a pas été ouvert, hein. Mais laisse-moi tranquille, du con, je pense qu'il a bien résumé la situation, là, c'est très bien quand même. Oui, c'était bien, ça s'appliquait. Ouais. Ouais, ça s'appliquait bien. Moi aussi, j'ai aimé. Je trouve aussi. On va accueillir Delphine dans quelques minutes pour le chéri, je peux te faire cocu. On va prendre Anthony avec son ovni. Aurélie également qui. On va parler de quoi, Aurélie, tiens, dans quelques minutes avec toi, parce qu'à la base, t'appelais pas pour les ovnis, toi. Hein. Non, carrément pas, non. Moi, j'ai un problème de sodomie. Hein. C'est-à-dire. T'as un problème de sodomie. Oui, mon mec arrive pas à me rentrer son ovni. C'est ça ? Non, c'est que ça fait quelques années que je suis avec mon gars et ça va faire un an à peu près, hein, que en fait il ne veut plus passer que par derrière. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Bah alors on en parle dans quelques minutes, Aurélie. Reste avec nous, il y a Fred et Stéphane qui voulaient réagir aux ovnis. La réponse à la colle de Damien également, bah, juste après le son d'Avicii qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Avicii, découvert sur Fun, évidemment, Addicted to You. I don't know just how it happened. Le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio, c'était Addicted to You. Allez, bienvenue si vous voulez débarquer. Mickaël No Limit, il est minuit 37. Il y a Abdou qui dit carotte concombre, le cul de Tov va devenir un potager. Ah bah ça c'est sûr. Sylvain qui dit moi j'y crois, quand on voit Tov, je me dis qu'il vient forcément d'ailleurs. Et puis bah merci hein, encore en top tweet ce soir. Il y a le Prince qui dit Mickaël en top tweet the best tout simplement. Bah merci, c'est surtout grâce à vous comme d'habitude. C'est vous qui parlez au maximum de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et c'est grâce à ça, donc encore une fois, merci à vous. Bon, on va donner la réponse à la colle de Damien. Damien qui est avec nous, t'es là Damien? Toujours. Très bien, on va donc appeler maintenant l'éventuel gagnant ou gagnante là. Celui qui va donner la bonne réponse à la colle repartira donc avec le pack d'une valeur de quasiment 100€ My Crazy Collection offert par Mesdessous.fr. Allez, c'est parti, on y va. T'avais posé une colle, Damien. Si quelqu'un a la bonne réponse et qu'on l'appelle maintenant, enfin qu'il décroche surtout, il gagne, tu perds. Si la réponse n'est pas bonne ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Damien, on y va, c'est parti. Allez, on y croit. Allô? Oui. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Grégory. Salut Grégory, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Et je t'appelle parce que oui, Damien, bon, il a une colle pour toi. Alors vas-y Damien. Alors mon premier est un moyen de transport, mon deuxième est un meuble à quatre pieds, qui suis-je? Alors Grégory? Alors c'est un cartable. Une table? Un quoi? Non, un cartable. Une cartable, un cartable. Un cartable? Oui, voilà. Comment c'est que t'arrives pas à prononcer le R? Ben, en fait, j'ai un petit accent, c'est voilà. C'est d'accord. Ah, ouais, Nyonnais. Ah oui, ah, le cartable. Oui, ah oui, c'est le cartable. Ok, très, très, très bien. Comme ça, là, quoi. Oui, très, très bien. Pas de problème, Grégory. Ben, la réponse, elle est bonne. Damien, c'est perdu. Eh ben, bravo, Grégory. Ben merci. Eh ben de rien, on va t'offrir le paquet là, le comment ça s'appelle encore là? Ah là c'est les crazy c'est les crazy dessous. Non, c'est les crazy collection. Ah oui, crazy collection, voilà c'est ça, c'est de mesdessous.fr. Exactement. Voilà. Bon ben voilà, ben très bien. Et on l'appelle en rayon ou t'es en métropole? Non, je suis en France. Ah, t'es en France. Oh là là, tu es venu dans la foi, ça mon pote. Parce qu'on écoute aussi à la Réunion hein, d'ailleurs. Il y a combien d'heures de décalage? Il y a 3 heures de plus je crois, non, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on écoute également en direct, là, à la Réunion. Et d'ailleurs, on termine au moment où il y a le morning. Donc, ça, c'est quand même très, très beau. Hein. L'émission, à 2h, elle se termine. Avec tous les boulangers, tous les mecs qui se lèvent tôt. Et c'est là, allez, tu vas enculer, etc. Ça va être. Te faire enculer au PD, voilà. Voilà, c'est très sympa pour le matin. C'est très cool. On embrasse d'ailleurs tous les Réunionnais qui nous écoutent. Bon, et eh ben, très bien, Grégory. Le pack, donc, qui va arriver chez toi très rapidement. Salut et passe une bonne soirée. Ben merci, à vous aussi. À bientôt et bonne chance pour la suite Damien, prochaine fois, pas de problème. Hein. C'est possible d'avoir un quand même ou... Ah bah non, t'as perdu Damien. On a perdu, on a perdu. Bon, non mais tu vas gérer Damien, t'inquiète pas, on en a plein, on va t'en filer un, hein, y'a pas de soucis. Salut Damien. Bah vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Allez, donc tout à diaspora pour qui hein, qui écoute. Très bien, eh ben message passé, il n'y a pas de problème. Salut Damien. Allez, merci, à bientôt, ciao. Et puis je vous l'avais promis, il faut, on est obligé là, la suite du. Enfin c'est même pas la suite, c'est le premier chéri, je peux te faire cocu, puisque le premier qu'on avait fait avec Bruno là, c'était quand même relativement mal passé avec sa copine qui était un peu trop ouverte, puisque ça ne lui posait aucun problème que son mec couche avec lui. Va voir ailleurs mon chéri. Voilà, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, eh ben on accueille maintenant Delphine pour le deuxième et j'espère le bon cette fois-ci, chéri, je peux te faire cocu. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Bon, oui, bah très bien, plutôt pas mal, tranquillement. Bon alors Delphine, on va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Allez, magnifique. Parfait, t'as quel âge toi Delphine? J'ai 31 ans. Bon, eh ben écoute, on va appeler ton mec, t'as vécu depuis combien de temps dis-moi? 6 ans. D'accord, comment il s'appelle? Damien. D'accord. Est-ce que il est où là actuellement là par rapport à toi? Il est dans son camion et il attend très bien. Le départ. Bon, très bien, est-ce qu'il a des défauts physiques? Juste la prise de poids pendant ma grossesse et qu'il est chauve. Ah oui, c'est déjà pas mal, c'est bien ça, très bien. Mais pourquoi tu restes avec? Oui, c'est ça, et s'il est chauve et qu'il est gros? Ah mais moi je l'aime comme il est, moi. Oh, so sweet, c'est bien. Bon, ok, d'accord. Alors où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer récemment, justement? L'école primaire. Oui, par exemple, oui, je pourrais être le papa d'une petite fille. Vu que je suis toujours toute seule et qu'on me voit toujours toute seule à l'école. Ben voilà, c'est ça, c'est très bien, ben c'est parfait. T'es dans quelle ville toi au fait? Branche. À Branche, d'accord, ok. Et un petit patelin de... D'accord, et c'est quoi le petit patelin qui est à côté, genre Arbre. La ville la plus proche, la plus grande ville, ouais, Chalon-sur-Saône. Ok, très bien. Eh ben écoute, on y va, on l'appelle, bonne chance. Si

choses aussi. Je vais vous écraser tous les deux. Ouais, putain, le mec voulait tuer tout le monde il y a quelques minutes là. Il y a Margot également, mort de rire, l'histoire de Michel de génération en génération. Un plaisir de faire chier les gens. Ah ben moi j'adore aussi Margot, hein, faire chier le monde. Il est énorme celui-là pour Mathieu et Indio le Piu-Piu qui dit ça c'est un vrai chéri, je peux te faire cocu. Oui, mieux réussi que tout à l'heure, hein, vous avez pu le remarquer. Et le prince Nadia qui dit voilà un Damien très énervé monté sur ressort, c'est ce qu'on aime. Et Valou ici qui dit trop génial le chéri, je peux te faire cocu. Michel s'en est pris plein la gueule. Ah ouais, ça c'est clair que j'ai pris bien bien cher. Allez, restez sur Fun Radio, il est presque une heure du mat, on a encore des packs à vous offrir, My Crazy Collection. On va prendre, on va récupérer Anthony avec les ovnis, Stéphane et Frédéric qui voulaient réagir, Aurélie qui voulait parler sodomie, tout en la classe ce soir. Et on écoute le nouveau Major Lazer et Sean Paul, c'est Come to Me sur Fun Radio. Le nouveau Major Lazer à l'instant sur Fun Radio avec Sean Paul. C'était Come to Me sur Fun. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, continuez à nous appeler. On est là jusqu'à 2h. Il y a Wendy qui a envoyé son message. Il est bon le nouveau Sean Paul. Je suis en train de danser dans mon lit. Ah bah ouais, il est plutôt pas mal, Wendy. Alexandra également qui dit épique le chéri, je peux te faire cocu. Là, c'est bien marseillais celui-là. Et Guillaume qui dit salut Mickaël. Salut toute l'équipe. Je vous écoute depuis 23h et pas une minute d'ennui avec vous. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Bah écoute, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Bah voilà, il y a également Lilou qui dit vous êtes trop rigolo avec le Michel et Ariel aussi. Mickaël, prise de poids pendant la grossesse, pourquoi c'est lui qui a porté le gamin? J'ai pas compris, c'était par rapport à quoi ça? J'ai raté un truc? Je ne sais pas. Merde, j'ai raté, Ariel. Réexplique-nous peut-être. Peut-être que j'ai vu le message trop tard aussi. Edouard qui dit ne jamais faire Flappy Bird en vous écoutant, j'ai perdu comme vous m'avez fait rire. Ah ouais, et d'ailleurs, mauvaise nouvelle hein, pour tous les autres, ceux qui n'ont pas téléchargé Flappy Bird, c'est fini. Oh. Le mec, il a décidé de retirer le jeu de l'iTunes, enfin de l'Apple Store et de Google Play et tout le bordel, parce que en fait, il en pouvait plus, c'était trop de pression. C'est-à-dire que le mec, il gagnait quand même entre 30 et 50 000 dollars par jour. Avec ses pubs qui arrivaient dans son jeu, ouais. Et comme il avait tellement de demandes, d'interviews, de tout, il a préféré arrêter. Alors, moi aussi, je comprends, c'est trop dur, 50 000 dollars par jour, je sais pas si je pourrais le survivre. Franchement, je suppute qu'il ait fait ça exprès pour revenir en force avec un jeu payant, machin, tu vois, genre le retour de Flappy Bird. Mais j'ai même pas le temps de le télécharger, quoi. Alors, du coup, il y en a qui ont fait la bonne affaire. Et sur des sites d'enchères, je pense pas eBay, mais un autre, il y a des mecs qui vendent leur iPhone avec le jeu Flappy Bird dedans, 60 000 dollars. Ouais, bon, l'histoire ne dit pas si ça s'est vendu ou pas. Je l'ai dans mon iPhone, si quelqu'un veut l'acheter. Tu m'étonnes. C'est l'escroc. Non, mais putain, 60 000 dollars. Putain. Ah ouais, pour avoir Flappy Bird, c'est quand même le jeu le plus moche du monde. Hein. Ouais, alors, c'est addictif, ok, peut-être, c'est vrai. Mais quand même, ça reste quand même en termes de design, en termes de tout, c'est quand même très laid et ouais, c'est pas non plus la folie, quoi. Je vais continuer à jouer à Candy Crush. Oui, bah écoute, au moins c'est encore disponible. Tiens, il y a Mélanie qui dit moi je veux Toff dans mon lit. Mais Mélanie, c'est pas possible. Mais avec plaisir, Mélanie, je suis à toi. Mais quelle horreur, Stéphanie. C'est son fantasme de coucher avec un monstre. Ah oui, voilà, c'est ça, un ovni, oui. Alors, c'est d'accord, Mélanie. Stéphanie également qui dit Mickaël, je me fais opérer demain. Je suis dans la chambre en t'écoutant. Souhaite-moi bonne chance, bisous, je vous adore. Bah, bon courage, Stéphanie, j'espère que c'est pas trop grave. Il y a Guillaume qui dit en Lorraine, les seuls ovnis qu'on voit, ce sont les nuages. Et Tom également qui dit se faire retweeter par Mickaël, c'est comme si on disait notre nom à la télé, c'est magique. Bah non, Tom, quand vous dites quelque chose d'intelligent, de bien, évidemment, il n'y a pas de problème. Et Let's Be Freaks, il est Toff, s'engage à beaucoup de choses. Et finalement, il ne fait rien. C'est tellement bien résumé. C'est non, tellement bien résumé. Vous m'engagez à beaucoup de choses. Ah oui oui. Non, je peux pas laisser dire ça. Tu t'engages à beaucoup de choses. Tu t'engages à beaucoup de choses. Bon, surprise également dans moins de 30 minutes. Ah. Ah ouais, j'en dis pas plus, je dis juste que c'est une surprise. Ah bon. Ça va arriver. La mère de Toff va débarquer. Non, ça va arriver dans quelques minutes, enfin dans moins de 30 minutes. Donc restez bien là. Je n'en dis pas plus, mais ça va être lourd. Mais est-ce que nous on doit partir ou pas? Non, je peux juste vous donner un indice. Voilà. Ah oui. Voilà, un autre indice. Hop. Ah, on va faire un péplum. Non, pas du tout. Toff, mets-toi de lui. Bon, alors un autre indice. Voilà. Hop là. Hop, voilà. Nous allons nous battre au milieu de l'arène avec Polo. Exactement. Voilà, toujours hop, ça va arriver dans moins de 30 minutes. Restez bien là. On va en parler. Et lorsque je voulais de ce dont je voulais parler également, je sais pas si vous avez vu ça ce hashtag Aurélie. Ouais. Est-ce que t'as vu le hashtag safe dans la rue qui tourne en ce moment là, qui a tourné notamment beaucoup ce week-end et la semaine dernière? Non. Bah en fait, il reprend plein de conseils techniques de filles pour se sentir en sécurité dans la rue. C'est genre, il y a des trucs du genre pour être safe dans la rue, donc hashtag safe dans la rue. Je garde mes écouteurs pour avoir l'air occupé, mais j'éteins la musique pour détecter si quelqu'un approche. C'est genre la meuf à la cool. C'est complètement débile, quoi. Ah, au moins, t'es sûr d'entendre quelqu'un si quelqu'un passe derrière, etc. Tu vois, tu l'entends. Si quelqu'un, tu jettes un regard et tu lui dis vas-y, dégage. Et puis ouais, c'est tout, ça. Hein. Mais après, parce que toi, t'es peut-être une meuf rebelle, mais après, il y en a qui ont peur, tu vois. Ou alors, pour être safe dans la rue, j'ai toujours un regard déterminé. Même quand je me trompe de route, je fais semblant que je gère la situation. Ça, c'est tough, ça. Ouais, c'est ça. Même quand il se trompe de route, il a. Mais j'ai par là. Mais c'est par là. Alors, même dans ma chambre, c'est par là. Voilà, c'est par là. Et sinon, pour être safe dans la rue, je ne montre jamais que je cherche mon chemin, hein, même quand je suis perdu. Ou encore, pour être safe dans la rue, je porte rarement des talons au cas où je serais obligé de courir. Et donc, ça me fait bien chier parce que j'adore ça, voilà. Et alors, si vous en avez d'autres, hein, des safe dans la rue, justement. T'en as toi ou pas? T'as des petits trucs pour être tranquille en rue? Moi, très sincèrement, je la joue tranquille et puis comme ça... Ça me va et j'essaie d'éviter un peu trop de regards et... Ouais mais parfois tu c'est pas toi qui décides quoi, tu vois, les regards. Oui, des fois tu recroises des personnes, voilà, mais bon... Tu leur dis, tu fais un petit bonjour, ça va, puis voilà. Un petit bonjour, ça va. Bon, si vous aussi vous avez des techniques pour vous sentir en sécurité dans la rue, les filles là et les mecs aussi d'ailleurs, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Secret Key qui dit surprise, Top va se transformer en prince charmant. Non, c'est pas possible, même dans une autre dimension. C'est vrai, elle a raison. Bon, retour Aurélie, reste avec nous. D'Anthony là qui a vu un ovni, il y a Stéphane également de Marseille, il y a encore un Marseillais. Oh là, Stéphane, comment ça va? Ça va tranquille. Premier sur l'eau et ce soir. Eh oui, ouais. Ça va très bien, Stéphane. Toi aussi, t'es pour Paris comme Anthony? Non, moi j'encule le PSG. Ouais, attention, hein. Voilà. Au PSG de Paris. Voilà, ça c'est mon cousin qui parle. Commencez à gagner des matchs et vous parlerez là. Bah ils ont gagné Louis ce week-end là. Tranquille, vous avez la passion que le pognon. Hein. Mais voilà. Le pognon que la passion. Hein. Tranquille le pépère. Bon Stéphane, t'as vu des martiens, des ovnis toi? Ouais, il a vu le PSG premier du championnat. Il a vu sa mère dans le but. Ça y est, ça t'a clé. Eh putain, entre Marseillais qui se battent pour un club. Et c'est les pires. Ah ouais. Mon cousin, c'est une pute. Bon, vas-y Stéphane, dis-nous. En fait, moi je faisais du camping à Valensol, qui est un petit village en Provence, tout ça. Ouais. C'est une terre de soi-disant beaucoup d'ovnis, tout ça. Et pendant la nuit, j'ai entreaperçu quelque chose de triangulaire. Le cul de ta mère. Peut-être, je sais pas, ma mère est au ciel, donc j'irai lui demander quand je la rejoindrai. Ouais. C'est mignon, Valensol. Et donc voilà, donc après, en rentrant chez moi, j'ai fait beaucoup de recherches, tout ça. Ouais. Et il se trouve qu'il est... Donc je sais pourquoi ce Anthony a dit panneau. Pourquoi? J'ai compris pourquoi. Panneau, c'est quatre lettres. C'est P-A-N-O. Oui, ça jusque-là, je pense qu'on avait pu gérer, ouais. C'est comme le mot ovni. Ovni, donc objet volant non identifié, mais ça se résout en quatre lettres aussi. Moi, j'ai pas trouvé la même chose. Moi, j'ai trouvé nono. Et en fait, ces quatre lettres symboliseraient une planète très très lointaine, donc de notre système. Nibiru. Pas Nibiru, je connais Nibiru, j'ai entendu parler aussi, et qui habiterait par une autre présence extraterrestre. Donc dans un monde parallèle. C'est-à-dire que là, techniquement, là, au moment où on est là, on est dans le studio de fun, il est 1h03 du mat, au même moment, dans un monde parallèle, il y a le même studio de fun, un peu comme dans Fringe, la série, là, il y a un autre Toff, il y a un autre Polo, il y a un autre moi, un autre Sandro, un autre tout. Et c'est en face, quoi. Ça, je ne sais pas, mais une autre vie, il y aurait sur une planète exactement une vie. C'est gardé très secret. Ouais, mais ça c'est ça. Alors moi je suis un spécialiste des questions de conspiration. Ça fait partie de la conspiration. C'est les Anunnaki, tout ça. Tu vas nous parler, c'est ça? Non. Ah d'accord. Alors vas-y alors. Mais donc, ils sont à qui alors? Apollo, les Anunnaki. Si vous connaissez bien le Vatican. Non, on connaît pas, c'est quoi? Connaît pas bien. C'est la friterie. Vous connaissez pas? Ah non, on connaît pas. Moi je vous amène. Ouais, c'est ça. Je suis très curieux d'y aller. Bon, et donc en fait, au Vatican, il renfermerait beaucoup de secrets sur ça. Ouais, il paraît. Ah, mais il y en a beaucoup, les secrets là-bas, ça je te confirme. Hein. Il paraît qu'il renferme la plus grande bibliothèque érotique du monde. Normal. Quand on sait ce qu'ils font les curés. Pas chez nous, s'il te plaît. Je généralise. On respecte l'église, s'il te plaît. Évidemment. Bon, et donc, du coup, on continue. Et donc je pense que ils ne veulent pas, donc pour la sécurité humaine, va savoir si c'est pour la sécurité humaine, nous dévoiler tous ces secrets comme ce qu'il y a eu à Roswell, et patati et patata aux États-Unis, mais les Américains sur ce sujet c'est un peu des guignols. Pourquoi? À cause de... De Roswell, tout ça, ouais. De leur zone 51 qui a complètement rien du tout là-bas. Il y avait Toff par contre, Toff. Ouais, Toff vient de la zone 51 lui, hein. C'est d'ailleurs, je connais très très bien la zone 51. Venir de notre planète aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est d'ailleurs c'est la Roswell avec des cheveux, Toff, hein. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs la preuve vivante qu'il y a bien une autre vie, une vie ailleurs. Voilà, si on nous la demande, ben elle est en France, elle est chez nous, c'est Toff. Hein. Voilà, elle est là. Je suis là. Et 20 rue Bayard. Attends, il y a Frédéric également qui est avec nous, là, 21 ans de Moselle à Frobach. Salut Fred. Salut. Comment ça va? C'est pas Frobach, c'est Forbach. Ah bah bravo Sandro, hein. Vaut mieux ça qu'elle est confondue avec Morbach. Ouais. Bon, alors bienvenue quand même. Moi, il y a une ville qui s'appelle comme ça. Bienvenue quand même Fred. Merci. Bon, alors toi tu voulais donner ton avis aussi par rapport aux ovnis. Voilà, tout à fait. Donc à mon sens, comme je le disais donc au Spobar, à moins d'avoir fortement psycholé avant, les ovnis c'est juste pas possible, puisque un truc tout con. En admettant que les ovnis existent, c'est qui les conduit, c'est qui les fabrique, vu qu'il n'y a pas de vie autre part que sur Terre. Mais ça, on ne sait pas. Bah oui, jusqu'à preuve du contraire. Ça a été prouvé. Bah oui, mais bah on ne sait pas, parce que regarde, parce que c'est-à-dire que t'as plus de 4 milliards d'étoiles dans l'univers, dans les galaxies, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, t'as 4 milliards d'étoiles, grosso modo, qu'on sait en tout cas. Donc il y a des trucs qui sont tellement loin qu'on sera mort 10 fois avant de voir l'image en temps réel. C'est-à-dire que là, maintenant, quand tu regardes des étoiles, tu lèves, si vous avez la chance d'avoir le ciel dégagé, vous levez votre tête, vous regardez les étoiles, et la lumière de l'étoile que vous voyez n'existe plus, en fait, depuis des années. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez dans le passé. Oui, c'est ça. Ça s'appelle les années-lumière. Ça. Oui, c'est ce qu'on appelle les années-lumière. Mais c'est pour te dire qu'il y a des trucs, tu dis, ouais, mais ça se saurait s'il existait un truc. Bah, pas forcément. Mais alors, parce que ça se trouve, il y a d'autres guignols qui sont à des millions d'années-lumière de chez nous qui disent la même chose. Qui sont là sur une radio qui s'appelle NUF, peut-être, je sais pas, tu vois, qui sont là. En disant, je pensais qu'il y a des autres connards là qui existent. Attends, tu peux me refaire l'animateur de NUF? Je suis désolé, je vais faire mon moment un petit peu relou, mais tu regardes le seul endroit à part sur Terre où il y a de l'eau. T'es pas regardé sur Mars quoi. Faute. Attends, sur radio. De quoi donc de seul endroit sur de quoi tu dis de seul endroit où il y a de l'eau. Tu regardes le seul endroit à part la Terre où il y a de l'eau, c'est sur Mars. Et non, sans eau, il y a pas de vie. Non, c'est faux ça. Il y a plein de satellites de d'autres planètes où ils ont découvert de l'eau, de l'eau gelée, etc. Et puis il y a plein d'animaux qui n'ont pas d'eau et c'est pas pour ça qu'ils vivent mal. Et oui, c'est ça. Non, mais pour dire que oui, ok, c'est vrai que dans notre système solaire, il n'y a pas de planète habitable. Mais après, ailleurs, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la vie sans bite, c'est dur. On n'a jamais été voir après autre part. Mais ah bah voilà, donc c'est ce que tu dis. Jusqu'à venir de sorte à ce qu'on les voit sur Terre, quoi. Mais pourquoi? Regarde, hey, je te prends l'exemple dans l'autre sens. Imagine, t'en as d'autres là qui sont en train de nous écouter, mais qui sont en train de vivre leur vie pépère à des millions d'années-lumière. Ils doivent se dire, on est tout seul parce que les autres ils nous cherchent pas. Bah si on les cherche, moi ils trouvent pas. Ah mais on est en décalage, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'émission d'il y a 5 mois. Ah ouais, t'imagines? C'est ouf ça. Ouais. Duf. Oui. Ouais voilà, c'est clair. Bah on en reparlera dans 5 mois. Alors dans ce cas-là, s'ils ont reçu quelque chose. Mais tu sais, je vais juste. Dernièrement, là, j'ai feuilleté un peu, là, j'ai fouillé un peu sur Internet, et ils remettent même en cause les trous noirs. Oui, non, mais c'est normal, ils remettent tout et n'importe quoi. Oui, non, mais toi, avec toi, tout est normal. Non, c'est. Bah oui, c'est normal. Mais bah oui. Est-ce qu'ils remettent en cause les points noirs de Sandro? Attends, on va essayer de les capter pour voir si on arrive à joindre peut-être là-bas cette planète, cette radio NUF hein, qu'on cherche dans ce monde parallèle. Mais après, je veux dire, bon, il y a quand même la science, c'est quand même pas n'importe quoi. Non, mais ils n'ont pas connaissance de tout. Ils n'ont pas connaissance de tout, Frédéric. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs galaxies. Ouais. Mais ça, je n'irai pas jusqu'à dans les plusieurs univers. Mais bon, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a des trucs qui doivent exister, enfin, qui doivent exister. Mais comme tu dis, voilà, moi je sais pas. Je dis voilà, je sais pas. Je suis ouvert, mais je ne sais pas. Tu peux pas dire toi, par contre, non, ça n'existe pas. Et juste après me dire ouais, mais on n'a pas été vérifié, donc tu sais pas. Non, mais je veux dire par là, les mecs, je pense que bon, ils sont payés à ça quand même, à vérifier justement s'il y a des traces de vie autre part et tout ça. Donc ils l'auraient vu. Mais non, mais ça veut rien dire ce que tu dis. À l'heure actuelle, avec ce qu'on sait, il n'y a rien autre part. Avec ce qu'on sait, il n'y a rien. Mais comme on ne sait pas, regarde, c'est comme aujourd'hui, tu me dis, enfin, on est en 1800, tu dis, ouais, mais non, mais c'est pas possible. La voiture n'existera jamais puisqu'aujourd'hui, on n'en a pas. Mais oui, mais regarde aujourd'hui, tu vois. Et à l'époque, les mecs, quand tu leur disais qu'il y avait des microbes et c'était la raison de des maladies, ils se foutaient de ta gueule parce qu'ils pouvaient pas le voir. Et que la Terre était plate. Exactement. Voilà, alors qu'en fait, elle est pas plate du tout, hein. Et donc, attends, on va essayer de joindre Charles de Gaulle, Radio Nuf. Attends. Ramène-nous de la fingue là. Ah ça y est, je crois qu'on est connecté là. C'est nul la radio Nuf là-bas. Est-ce qu'on capte Monsieur Nuf? Qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur Nuf! Attends, merde. Polo, t'arrives à lui parler, toi? Bah, je comprends pas le nufien, moi. Nuf! On est sur quelle planète, là? Je comprends pas. Je comprends rien. Si quelqu'un peut nous aider à traduire le nufien. Ah, je comprends rien de rien de rien. On a perdu la connexion. Bon, on va demander à Tof qui se remette sur le satellite. Ouais. Pour essayer de capter. Tu peux faire, Tof? Bien sûr, on va trouver une solution. On va se remettre sur le satellite. Il y a Frédéric qui dit sur une autre planète, Gilou serait président à La Réunion, probablement. Il y a Security qui dit bienvenue sur Nuf, Nuf No Limit avec Muche Poloche, Fauche, Sandouche. Et le Stratouche. Il y a Benji aussi. Bienvenue sur Nuf Radio, le son Floor Dance de 23h à 2h. Retrouvez LKIM mort de rire. Oui, bah écoute, ouais. Alors, hey, note, t'imagines, il y a un monde parallèle là maintenant. Ce serait quand même ouf ça. Bon, encore un truc à ajouter, Fred? Ouais, je peux laisser une petite dédicace? Bah vas-y, profites-en. Une seule personne, hein, choisis la bonne. Ouais, c'est déjà choisi. Donc, Bébou, je sais pas si tu m'écoutes, mais quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que je t'aime très fort. Et puis que bientôt, c'est nos 5 mois. Et voilà, rien ne se passera avec toi. Attends, il veut rajouter un truc. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà. D'accord, j'y penserai. Y a moyen d'avoir un petit cadeau? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, pas de problème, Fred. D'accord. Salut à toi. À bientôt. Salut Steph, salut Anthony, bientôt. Merci à vous d'être passé, vous revenez quand vous voulez. Ciao, ciao. Allô. Salut, ouais Steph. Oui, c'est pour savoir si vous pouvez mettre en contact, moi, avec Anthony. Des extraterrestres? Ah non. Comme il habite pas très loin de chez moi, j'aimerais qu'il soit, si je peux le rencontrer, parler, mais oui, faire pas des recherches ensemble. Mais ça, pas quoi. De problème, Steph. Yeah, évidemment, je te le repasse en antenne, Steph, pas de problème, salut c'est à toi. Super ça, allez. C'est génial, ne changez pas. Hein. Allez, salut la planète au Mars. Allez, des bisous, on est là. Salut, allez, on est là. Ouais, ciao à vous, bye bye. Et sinon, allez. Moi, je suis allé sur zone51.com, il y a le plan de la navette spatiale pour y aller, hein, bah, nous voilà. De l'OVNI. Et bah nous, voilà rassurés, on essaiera d'aller sur la planète Nuf. Bon, restez là, on va se faire le son de Tiesto maintenant sur Fun Radio. C'est Red Light, il est presque 1h15, il y a la surprise qui arrive dans quelques minutes, là, bougez pas, c'est Fun Radio. Blacked out, everything's faded on you. Tiesto sur Fun Radio avec Red Light. Il y aura de Fatboy Slim, on l'avait demandé tout à l'heure là, avec Hit Sleep Rave Repeat. Et ben je vais le mettre. Il va arriver sur Fun Radio, là restez là, il y aura aussi Martin Garrix. Voilà, tout ça avant 2h du mat. Si vous voulez parler avec nous, si vous voulez discuter, si vous voulez vous marrer, n'hésitez pas. 02-851 4x0, numéro du standard depuis la Belgique et pour la France. 01-42-48-5000. Aymeric qui dit il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie et 1 milliard de galaxies. Les experts estiment qu'il y a 100 milliards de planètes habitables. Ah, je pensais que j'étais 4 milliards, moi j'ai peut-être dit de la merde. Alors merci Aymeric pour l'info. Margot qui dit Mickaël, un message de bienvenue pour Didier qui veut changer de radio car il vous écoute depuis octobre et il a encore rien eu. Ça marche pas le sondage avec moi, Margot. Hein. Ça ne marche pas, je te le dis. Bon, je vais quand même lui en mettre un parce que le mec veut changer de radio et rien que pour ça, c'est ce qu'il mérite. Va te faire un cul au PD. Bah. Voilà, et puis s'il change de radio, quoi qu'il arrive. Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Voilà, enfin, je laisserai faire Tof. Tom qui avec dit plaisir. Si les ovnis existent, moi j'ai un bras à la place des couilles. Pierre également qui dit ils vont nulfer ensemble. Oui, on arrive plus à rejoindre Nuf Radio. Ça a coupé. On essaye. Abdou qui demande Nuf Radio. Me détruit de rire. 69 degrés également qui dit mort de rire en mode radio Nuf sur Fun Radio dans Mickaël No Limit. Putain, vous êtes bons là. Et Maëva aussi avec Mickaël, on apprend la galaxie. Comme ça, en cours, on pourra dire si on a ce sujet. C'est bon, madame, je connais tout. Ouais, mais relisez quand même, on sait jamais. Et Mugiwara, qui dit merci l'équipe de Mickaël de m'accompagner dans mes révisions à cette heure-ci. Et ben écoute, je sais pas si tu vas nous dire merci quand t'auras l'interro. Hein. Ah non. Parce que là. on verra. Au moins t'auras bien rigolé. Voilà, en tout cas, oui, on espère. Bon, on a encore des sous-vêtements là, à offrir, là, les sous-vêtements donc My Crazy Collection offerts par Medesous.fr. Bien entendu, je rappelle que c'est de la marque Obad et ça vaut quand même quasiment 100€. On vous les offre pour la Saint-Valentin donc. Si vous êtes un garçon ou une fille, suffit de vous inscrire sur le Facebook, par exemple. Allô. Allô. Oui. Ouais. Ça va? C'est qui? Et toi, t'es qui? Comment on tu t'appelles? On est dans ton rêve. Bonjour. On est dans bébé. Ton rêve. Bonjour. Il y a des gens bizarres qui m'appellent. Oui, appelle-moi bébé, c'est bien. C'est quoi ce bordel? Allô. On est dans ton... Il y a des gens qui m'appellent, c'est un numéro privé, je sais pas qui c'est. Mais non, c'est pas un numéro privé. On est dans ta tête. Allô? Allô? Allô? Allô? Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Je te dis, bébé, c'est la radio qui m'appelle. Approche, tu ne crains rien. On est dans ta tête. Tu m'entends? Oui. Va te faire enculer. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Là. Comment tu t'appelles? Sarah. Tu aimes mon imperméable? De quoi? Tu aimes mon imperméable? Non. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Oui. Tu aimes bien regarder les messieurs tout nus? Juste mon homme. C'est déjà ça? Il est où là? Quel âge as-tu? 21 ans. D'où appelles-tu? Ma Grenade sur Adour. Et c'est où? C'est un peu perdu, c'est à côté de Mont-de-Marsan. D'accord, ok. Ah bah oui, là je. Ah bah là, oui. Tu situes mieux. Là ouais, là, bah, là tout de suite, ouais, tout à fait, tout à fait. Elle l'a dit, c'est un peu perdu. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, Sarah. Non, en fait, c'est Amandine, je crois que c'était un canular. Oh, l'autre, au cas où elle donne un faux prénom, c'est parce que, tu sais, des fois que. Hein, parce que comme des Amandines, il est un peu qu'une seule en France. Et des Sarah hein, aussi. Et bah non, mais les Sarah encore à la limite, c'est pas très grave, puisque c'était le nom du canular, le nom de scène. Bon, Amandine. Oui. Tu m'as menti donc. Oui. Et bah bravo. On va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Bon. Amandine, donc du coup, t'as quel âge? T'as donné le bon âge ou pas? Ouais, ouais, j'ai 21 ans. Ouais. Très bien. Bon, attends, je te repasse Nuf FM. Okay. Ah, il commence à parler notre langue. Tu comprends ce qu'il dit ou pas? Pas du tout, non. Bon, combien mesures-tu? Oh là là, qu'est-ce que t'es relou. Oh putain, même moi, j'avais pas compris. Oh, c'est pour dire. Hein. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je suis vraiment obligé de le dire. Bah oui, parce que là pour le coup c'est vraiment véridique parce qu'on va t'envoyer des dessous, donc tant qu'à faire autant que ce soit de la bonne taille. 95D. D comme Denise? Oui. Ah non. Oui. Et la taille du pantalon que t'as acheté? De quoi? La taille du dernier pantalon que tu as acheté. 36. Oh là là. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ah oui, on est tombé sur du lourd là, Amandine. Hein. Ah bah oui, non mais c'est vrai. Et c'est là qu'on dit en général, on a les auditeurs qu'on mérite. C'est vrai. Est-ce que tu peux poser tes nibards sur le nez, s'il te plaît? Vas-y, pose-les comme ça, vas-y. Voilà, hop, là, ça y est, c'est fait. Toi, c'est mis bien. Polo, c'est mis bien là, moi, c'est je suis bien. Bien là, moi je reste là. Bon, alors Amandine, on va te filer le pack comme promis, le My Crazy Collection. Offert par Medesous.fr. Voilà, ça vaut quasiment 100€. On va t'offrir ça. Je te souhaite une bonne nuit, Amandine. Merci. Gros bisous. À vous aussi. T'as déjà niqué ce soir ou pas? Non, pas encore. Ça va arriver? Je pense. Ah, bah oui, ça, tu m'étonnes. L'autre, il a 90D, il serait con de pas en profiter. Hein. Sors ton clitoris. Attends, et l'autre, il a 90D dans le lit, il va quand même pas rester là comme un con. Ou alors, il est con, ton mec. C'est possible aussi, ça. Hein. Comment il s'appelle, ton mec? Thibaut, il écoute là ou pas Thibaut là? Ouais, il y a le haut-parleur. Ouais. Ah, allez, vas-y Thibaut là, vas-y hein. Eh, on est tous avec toi là. Ah bah ouais. Oh, mais je sens que vous êtes pas tous trois avec lui, c'est moi qui va avoir mal. Hein. Ouais, bah on aurait voulu être tous avec toi pour le coup. Et d'ailleurs, vous faites quoi après l'amour? Oui, c'est vrai qu'on pose la question depuis tout à l'heure là. Vous faites quoi après l'amour? Vous pensez à quoi? Vous faites quoi? Moi, vous... je pète. Tu fais quoi toi? Je pète. Toi, tu pètes? Ah, bah oui, donc toi, t'es glamour. Oh, arrête, tu me fais manger. Ah, oui, bah, Gilou l'aime bien, apparemment. Hein, c'est... Et Amandine? Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Attends. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? J'ai rien compris. Bah, il demande si tu peux lui faire un baiser à la coque. Ouais, non. Ah, c'est non? Quoi? Bon, attends, il a une question, c'est Gilou, en fait. Oh, tu aimes le sperme? Non, pas du tout. Ah, t'aimes pas du tout? Ah bon, c'est dommage. Ah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah tant pis, Amandine. Bah, c'est pas grave. Bon, Amandine, je te fais des bisous quand même. Salut à toi. Ok. Merci. Allez, à bientôt. Ciao à toi, ciao. Bon, Aurélie est avec nous maintenant, là. Aurélie qui nous appelle de Bretagne. Exactement. Eh oui, Aurélie. Bon, t'es avec ton mec depuis combien de temps, toi? Ça fait une petite dizaine d'années, hein. Ah, quand même? Waouh. Wow. Ouais. Mais il y a un moment, faut changer, là, non? Bah pourquoi, hein? Bah parce que ça fait long là. Bah non, hein. Non? Non non, c'est correct. Bah oui non, ben ça j'ai pas dit le contraire, hein. C'est juste que il y a un moment t'es pas curieuse d'aller voir ailleurs, voir un peu ce qui se passe, voir. J'ai déjà fait avant, hein. Non, j'ai compris, mais t'as eu combien de mecs au total avant? Ah ben 200, hein. J'ai gardé le 200e. Bah je crois pas, non, je sais pas, 5-6 un truc dans le genre, hein. 5-6? Bon, c'est d'accord, ok. C'est pas énorme, c'est vrai, mais bon, c'est raisonnable. Bah voilà, très bien, ouais. C'est pas grave. Non mais c'est bien. C'est bien quand même. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, toi, pour ceux qui viennent de débarquer? Ben, ce qu'il y a, c'est que, donc, comme je l'ai dit, ça fait une dizaine d'années que je suis avec lui. Et ouais. Puis là, ça va faire une petite année à peu près qu'en fait, il veut plus passer que par derrière. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, comment ça se passe? Il vient, il te dit... Non, mais est-ce que sinon, il y a Polo et toi, ils veulent bien s'occuper de l'avant, hein, si ouais. C'est juste ça le problème. Oui, mais si c'est laissé à l'abandon en friche, nous, on veut bien... Ah, mais c'est sérieux, hein, s'il vous plaît. Faut voir, parce que... Est-ce que t'as eu des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Ah non. Pourquoi? Parce que c'est non, trop large. Non, parce que j'aurais dit après, bon, c'est devenu trop large, ça fait houle de gaffe, faut s'y mettre à deux pour que ça rentre. Enfin, non. Non, non, parce qu'un enfant, ça gâche aussi, enfin, entre guillemets, ça, c'est pas que ça gâche la vie, mais enfin. Voilà, on est encore jeune, quoi. Un enfant, ça gâche la vie. Oui. Mais voilà, c'est dit maintenant, c'est bien. Ouais. Une chose est sûre, ça agrandit le trou. Ah oui, merci, Toff. Bon, voilà, mais il y a un moment, le mec, il est. Pourquoi il fait que par derrière? Je veux dire, il y a un moment, c'est bien, mais c'est pour varier, tu vois, donc il y a un moment, si tu queues par l'arrière, bon, c'est chiant sinon. Bah, écoutez, pour moi, oui, hein, mais pour lui, apparemment. C'est chiant. Non, mais t'as qu'à lui dire. Attends, tu lui dis, voilà, écoute, mec, arrête un peu ton lui cinéma. Dis, voilà, quoi, enfin. Eh ben, tu lui dis, pas de bras, pas de chocolat, si tu passes pas par l'avant, passe pas par derrière non plus. Mais non. Ah ouais, bah, non, mais si. Mais si, à un moment, tu lui mets la pression. C'est ton trou du cul, ouais, tu fais ce que tu veux non, avec. Mais enfin, le peu qu'il le fait, voilà, quoi, c'est. Enfin, il n'y a aucun engouement, il n'y a rien, donc. Moi j'ai beaucoup aimé l'image du chocolat pour parler de sodomie. Oui merci, je savais que t'allais rebondir là-dessus. Mais non, mais même plus jamais il fait plus rien par devant. Vite fait, sans plus quoi, c'est. Ah il aime le trou. C'est, non mais ouais, d'accord c'est mais. C'est l'arrière quoi, c'est. Je sais pas quoi. C'est bizarre. Oui, c'est assez original. Mais en fait, il arrive, parce que c'est pas. On connaît tous la sodomie, c'est pas quelque chose de. Faut y aller, hein. Il te dit je veux faire ça. Il te dit, tu vois. Non, pas, c'est pas comme ça, non, enfin, c'est venu petit à petit, quoi, au début c'était un petit peu, puis là, je sais pas, il s'est mis à plus sortir du piano aussi avec ses potes, et puis, du coup, je sais pas, je sais pas trop ce qui se passe, mais ouais, il veut que plus que par derrière. Il est gay, tu crois? Ah, peut-être. En fait, moi, je fais un lien avec les potes. T'as dit, il a commencé à sortir avec ses potes, et puis tout d'un coup, il est. Ouais. Bah, il sort plus qu'avec ses potes, ouais. C'est bizarre. Là, il a une partie de poker, et puis voilà. J'ai oublié de te dire. Poker, ouais. C'est que c'était un strip poker. Hein. C'est ça, gay. Voilà. Bon, attends, on va demander. J'espère pas, je veux quand même des amis ensemble. J'espère pour toi. Bon, attends, on va quand même demander aux autres filles, hein, aux autres mecs aussi, ça vous est déjà arrivé? Non, parce que ce que je peux concevoir qu'on aime bien la sodomie, ça c'est pas un problème. Mais de là à ne faire que ça, ça doit être chiant quoi. Ouais, non, c'est chiant parce que. C'est comme si j'en sais rien, moi, t'aimes bien te faire sucer, donc du coup, bah tu fais que ça. Quand même, hein. De quoi? Non, y a des préliminaires quand non, même. Mais bien sûr, mais je parle de la pénétration, si à un moment il y a que ça, bon. Bon, lui, à la limite, bon, je comprends, c'est plus serré, c'est mieux. Mais il y a un moment, si, genre, même toi, tu dois un moment. Enfin, t'as pas le même plaisir avec la sodomie qu'avec la pénétration vaginale. Bah oui, bah surtout que la sodomie, au début, il la faisait. Normal, lubrifié, quoi. Puis au bout d'un moment. Ouais, après, tu sais, le lubrifiant, t'oublies, quoi. Ouais. Il crache un bon coup et puis ça passe. Quelle horreur avec le gravier et tout, c'est une horreur. Bon, reste avec nous Aurélie, on va reparler avec toi dans quelques minutes. Il y a Kevin qui voulait encore réagir par rapport aux ovnis, ça tombe bien puisque il y avait également où est-ce qu'il est, le bœuf ferré qui dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique et Toff et son colon vont découvrir Mars. Ça c'est beau. Mais j'aurais bien aimé, je me suis inscrit, j'ai pas été retenu. Ah ouais, oh, Camille merde, aussi qui dit si les univers parallèles existent, je veux bien rencontrer le clone de Polo. Jojo78 également qui dit mort de rire, on est dans ton rêve, appelle-moi bébé. Oui, c'était l'auditrice qu'on a appelée tout à l'heure. Et Megumi qui dit équipe-toi du Ziggy Bunny et dis-lui que maintenant c'est toi qui veux passer par derrière, il va vite changer, tu vas voir, crois-moi. C'est pas une mauvaise idée ça, Aurélie, hein. Ouais, peut-être. Tu lui dis écoute-moi bien, on va prendre un double dong. Hein? Ouais, mais le fait est que déjà quand je le fais, je mets des doigts quoi, donc voilà. Ouais mais c'est pas pareil, ça, un doigt ça passe, hein, mais quand tu vas lui expliquer. Deux doigts c'est plus dur. Non mais quand tu vas lui expliquer que t'aimerais bien utiliser le double dong, c'est-à-dire une espèce de gros sextoy, mais bon voilà, un double sextoy en un seul, hein, donc le but c'est que vous utilisez entre filles, hein, une qui rentre, l'autre qui rentre, et puis après vous vous retrouvez, et ben là c'est pareil, mais tu vas lui proposer ça, tu vas voir qu'il va vite changer d'avis, je pense en tout cas. Reste avec nous, on va en parler, appelez-nous les filles, 01 42 48 5000, 02 851 4x0, on est toujours au cœur de la nuit sans pub, on va encore faire des appels avec Toff dans quelques minutes, et puis on va se faire aussi la surprise dont je vous parlais à base de Jeux Olympiques. Ce sera après Fatboy Slim, Hit Sleep Rev Repeat, c'est maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. There is this DJ who's like kicking off. I don't know. Le son de Fatboy Slim. 23h, 2h. Fuck Mickaël Nolimi. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio. Il est 1h32. La petite surprise qui va arriver dans quelques minutes. Et puis nous allons d'abord, enfin avant ça plutôt, nous allons faire encore quelques petits appels avant de prendre dans quelques minutes Benjamin qui voulait réagir à Aurélie, Mélanie qui voulait réagir aux extraterrestres et Kevin également. Eh ben les appels de Toff, c'est parti, puisque bah depuis tout à l'heure on est tombé sur une info qui disait que les mecs apparemment réfléchissaient, enfin le premier truc qu'ils faisaient c'était regarder leur Facebook, leur mail, etc. Alors que les meufs s'étaient demandé si le mec avait une meuf. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils faisaient après l'amour. Oui, voilà. Je trouve ça beau. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de savoir ce qu'ils font eux, à quoi ils pensent après l'amour justement. Donc appelons maintenant, c'est parti. On remet le couvert ce soir à 1h33. Allô. Oui, bonsoir madame. Qui est-ce? Oui, je m'appelle Toff. Vous appelez Toff? Oui. Vous êtes un drôle, non? Pourquoi je suis un drôle, monsieur? Je sais pas, dites-moi qui vous êtes. Toff, et en fait, je voulais savoir ce que vous faites après avoir fait l'amour, monsieur. Ah, c'est super drôle, toi t'es un gros comique. Hein. Allez, je te laisse. Mais c'est pas pour rire, monsieur, c'est une question. Ah oui, mais t'es un gros comique. Oui, je suis un gros comique. Oui, attends, on va le rappeler, le gros comique. Allez hop, c'était moi le gros comique. Oui, enfin bon, façon de parler. Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé. Ouais, t'es un comique. Hein. Ouais, alors tu vas te calmer tout de suite, espèce d'enculé. Tu vas fermer ton téléphone, tu vas fermer ta grande gueule. Hein. Ah non monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça? Tu vas avoir un gros problème mon gars. Non mais moi je veux bien comprendre tout ce que vous voulez monsieur, mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? À quelle question? De savoir ce que vous faites après avoir fait l'amour. Je pionce. Et toi, tu fais quoi? Ah voilà monsieur, vous voyez toi, toi, à mon avis, t'as pas encore fait, toi. Non, jamais, monsieur. Moi, je suis encore vierge. C'est bien. Allez, passe une bonne soirée. D'accord. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. Eh ben voilà. Il est vulgaire, mais il dort. Eh ben oui, mais c'est ça. Voilà, il dort juste après. C'est principal. Il y a Mélanie qui dit non, il est trop chou, Toff. Je l'aime. Oh. Appelez-moi. Oh là, c'est son numéro de téléphone. Attends, on va l'appeler. Hop là. Attends, on va l'appeler en direct. C'est parti. Une folle encore, hein, Mélanie. Mais moi, je soutiens Toff dorénavant. Il a merci, raison. Polo. Pour les Toff. Yeah. Merci, Polo. Pour les. Mais ça va être répondeur ou ça va être Roger ou alors ça va être. Hey, salut, ça va? Menleur. Attends. Allô? Allô? Mélanie? Oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là? Ah non, pardon. T'as quel âge? 18 ans. Et tu kiffes Toff, mais t'es sérieuse? Ben oui. Mais Mélanie, c'est pas sérieux, c'est pas normal. T'as raison. C'est pas normal, comment tu peux? Deux moches ensemble, ça peut faire qu'une belle chose. Deux moches ensemble, ça peut faire qu'une belle chose. Ouais, c'est vrai que moins par mois, ça fait plus, note. Hein. Oui, vu comme ça, je ne peux rien dire. Bon, okay. Alors Mélanie, combien mesures-tu? 1m62. Combien pèses-tu? Ça, c'est difficile à dire, 115 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je le connais pas. Ah oui, et la taille des pantalons que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 52. Pardon ? 52. Ah oui. 52. Oui. J'avais jamais entendu ce chiffre. Non, c'est gentil. Ah non, mais c'est une première pour moi. C'est. Mm-hmm. C'est. Non, parce que la gueule, il faut quand même savoir que Toff a quand même un truc, une, comment on appelle ça? Une sale gueule? Non, oui, non, bah, ça, bien sûr, évidemment. Une tête d'enculé? Merde, j'ai oublié mon mot, dis donc. Une maladie? Oh merde. Ah, un caillou dans le... Il est un peu tombé de l'arbre de la laideur, il s'est pris toutes les branches, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est pour ça, je pense qu'on s'est bien trouvé. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon. Non, ouais, mais c'est-à-dire que Toff a quand même la critique facile, mais ce qui est quand même assez surréaliste, c'est quand on a sa gueule de se permettre de critiquer facilement. Je n'ai rien critiqué. Non, c'est vrai. Je dis juste qu'en général, t'as la critique facile. Mais on vous prouve encore une fois de plus que le mec est un enfoiré. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'autres qui vont dire avec moi ce sera pas le cas, mais ça va être pire avec vous. Mais voilà, et le pire c'est qu'il l'admet, mais ce qui est fort c'est que plus je le dis, plus ça attire les meufs. Donc au final je préfère continuer à le dire. Voilà, c'est ça. Bon Mélanie, donc toph@fonradio.fr, hein. C'est ça. N'hésite pas, tu l'as déjà écrit ou pas? Envoie-moi des photos nues. Non. Ah bah tu peux, y'a pas de problème. N'hésite pas. Et tu l'insultes, y a pas de soucis. Envoie-moi des photos en lingerie. Avec plaisir. Y'a pas de soucis. Je les ai. Gros bisous, Mélanie. Un petit dédicace quand même. Allez, vas-y, vas-y, ouais. Bon, je fais une dédicace à mon copain, à ma mère. Ah, parce qu'en plus, t'as un mec. Ah, mais oui, moi, je me les prends tous. Bon, en même temps, y'a de la place. Oh là là, ta gueule. Non, mais t'as vu ta gueule. Voilà. Très bien, eh ben, le message est passé. Comment Mélanie? Un petit cadeau? Ouais, je vais te repasser Sandro standard sans problème, tu vas gérer ça avec elle, y a pas de soucis. Bisous, je vous continue à mettre de la musique super. Merci Mélanie, gros bisous, t'inquiète, on va pas arrêter tout de suite. On parle de la musique. Oui, c'est vrai, il y a Megumi qui dit: moi après l'amour, je constate que le mec n'est pas Mickaël et je veux partir en courant, ouais. Tant je suis déçu. Ouais, moi c'est vrai. Pareil. Non mais tu as raison Megumi, moi-même, je pèserais bien avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Il constate que ce n'est pas lui, puis il est dégoûté. Voilà. Là, il y a Gérald bien. Aussi qui dit un big kiss à toute l'équipe. Génial vos délires ce week-end. Merci Gérald. Bon, on était à Noyon, Picardie ce week-end. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui sont passés nous voir. C'était super cool. Merci également à ceux qui sont passés à Compiègne vendredi. On était d'ailleurs au El Patio avec notre ami Jean-Pierre Sauzère. On a également été faire un petit laser game. Ouais. D'ailleurs, on embrasse l'auditrice là qui s'est cartonnée avec un auditeur. Résultat. Couper l'arcade sourcilière, voilà. Qui a pété, donc beaucoup de sang. Bon, pas très grave, ouais. Mais beaucoup de sang quand même. Donc voilà, bon courage à toi. Et puis Sony aussi, à mon avis, il est devenu gay, le mec d'Aurélie. Bah écoute, je pense aussi. Et avant de reparler avec Aurélie, justement, avant de reparler également avec Mélanie, avec Benjamin et avec Kevin, je vous l'avais promis. À tous les passionnés de sport de haut niveau, nous allons lancer les premiers Jeux Olympiques d'hiver de saut de ski. Les Jeux Olympiques saut de ski, Mickaël No Limit, ici à Fun Radio. Les installations de toutes les épreuves ne nous coûteront rien, contrairement aux JO russes, hein, qui sont les plus chers de l'histoire. Nous ne dépenserons pas le moindre sou, ou en tout cas s'il en faut très très peu, ça c'est une certitude. Pour un maximum de conneries, l'objectif de ces Jeux évidemment, c'est de vous faire marrer. Nous battrons des records de nullité, nous sommes fiers donc de vous proposer ces premiers Jeux de Fun Radio où nos meilleurs athlètes vont s'affronter durant 2 semaines pour le pire et surtout pour le pire. Et puis n'oubliez pas, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de se vautrer et de faire marrer. Je déclare donc les premiers Jeux Mickaël No Limit ouverts. Voilà. Bien, les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi commencent. Voilà. Présentation des athlètes. L'enfant de putain. Directement venu de Bruxelles. L'homme qui mesure 1m78 pour 80 kilos. 60-80, c'est un nouveau nombre. L'homme qui n'a pas de forme. Spécialiste du bobsleigh, de la glisse, de la pétarade, de l'enculage. J'ai nommé Christophe. Et attention, il a fini médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques de curling. Ouais. J'ai nommé Christophe. Alias Toff. Merci. J'espère que la roue tourne va tourner. Et ouais. Je pense qu'on espère qu'on va gagner. Très bien, parfait. Voilà. De l'autre côté, notre ami, l'équipe de France. Ouais. Polo, un connard, un trou du cul comme vous n'en verrez probablement jamais. adore s'essuyer dans les cheveux des femmes. Et oui, 110 kilos de mauvaise foi. 110 kilos d'énervement. Et totalement. Polo. Et un petit peu de muscle. Jamais de médaille d'or, malheureusement. Non, malheureusement. Jamais de médaille d'or. Va-t-il en choper cette année des médailles d'or? On j'espère, verra. J'espère. J'ai tout fait. Je n'ai rien fait. Je ne me suis pas entraîné de l'année. Très bien. Et j'espère arriver à quelque chose de fort. Et demain, donc, la première épreuve. Le curling. Exactement, le curling que nous ferons donc dès demain pour cette première épreuve de ces Jeux Olympiques de Sochi. Si toutefois vous avez des propositions de jeux, n'hésitez pas bien entendu à les faire, à savoir que tous les jeux bien entendu seront... toutes les disciplines bien évidemment seront totalement faites gratuitement. Et ah oui, de broc surtout. Et surtout de broc, hein, ça c'est une certitude. Voilà, les Jeux Olympiques démarrent demain donc. Bah, ils ont démarré là officiellement maintenant. C'est l'ouverture exactement, mais dès demain le curling. Donc faites passer le message à vos amis. Demain ça se passera encore une fois et encore plus sur Fun Radio entre 23h et 2h du mat. Il y a Margot qui dit les premiers Jeux de Mickaël No Limit. Oui, et bah oui, dès demain. Indio le Pio Pio qui dit oui, les JO de Mickaël No Limit. Et message aussi Mickaël, c'est simple, son mec Amso. Son four à quenelle, voilà tout. Comme Toff et la sumo, lol. Bon, allez, on va récupérer Aurélie là maintenant, là, Aurel. Oui. Bon, oui. Bon, est-ce que dans les JO de Sochi, il y aurait une épreuve sodomie ou pas? Non, malheureusement, non. Non, on n'a pas le droit, ça. Ah merde. Non. Oui, la pénétration est interdite. Ah ouais, merde. C'est les Jeux Olympiques d'hiver. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est dommage. C'est varié. C'est dommage. Bon. Alors, Aurélie, tu nous avais appelé parce que ton mec ne veut passer que par l'arrière et donc forcément. Ça perturbe un peu. Plus passer que par l'arrière. Je pense que. Ah, mon micro est cassé. Ah, attendez, ça va être pratique, ça. Ah putain. Ah, attendez. Attendez, on ah ben bah non, ça voilà. Ne marche plus. Attendez, attends, parce que le micro fonctionne, mais en fait, il ne tient plus. Donc, je l'ai attaché de manière. Je ne sais pas si vous avez entendu le clac. Et ben voilà. Je pense que ton micro saigne également. J'en ai plein les doigts. Comment ça il saigne? Ah oui, c'est de l'huile. En fait, c'est le bras de micro qui vient de lâcher, ça fait clac et du coup maintenant il tombe. Donc, ce qui est pas pratique. Donc, c'est pas grave. Je vais le tenir car j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un homme. Un vrai. Voilà, je le tiens mon micro. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, il ne tient plus. Ça va vite plus. Te saouler. Ça m'a déjà saoulé là. Ah, attends, si j'amène l'écran là. Qu'on amène des bottins. Attends, c'est attends, bon, on c'est va bon. Faire un arrêt au stand là. Voilà, c'est bon, on fait un arrêt au stand là. On est, ah, on est pas mal. On va faire un arrêt au stand parce qu'à priori, le... Alors, attends, Benjamin qui est avec nous de Nîmes, qui voulait réagir aussi par rapport à toi. Salut Benjamin de Nîmes, comment ça va? Salut Mickaël, salut l'équipe, vous allez bien? Ben très bien, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tant mieux alors. Bon, alors Benjamin, tu voulais réagir toi donc par rapport à Aurélie là qui veut avec son mec qui ne veut passer que par le chemin boueux, hein, n'ayons pas peur des mots. Ouais, c'est ça. Bon, alors attendez, on s'arrête au stand deux secondes, je vais changer le micro là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais pas passer par derrière. Hein, voilà, non, je passe pas par derrière, t'inquiète pas. Ah bah ça, je sais pas, je vois pas. Ah, attendez hein. Il y a Polo qui est le réparateur là. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, je pensais que ça allait être plugué. On vient de débrancher, on a rebranché, on va redébrancher, on sur-rebranche. Voilà, on est en direct, on est bien. On est pas mal. On est à la maison. Voilà. Attendez parce que ce... Oh putain. Oh le pied, il est complètement pété là. Voilà, le micro que j'ai récupéré, il est cassé, donc là on est parfait aussi. C'est bon, tu peux repartir. Allez, voilà, ça y est, hop là, on est reparti, on est bien là. Seconde, on est pas mal. On est pas mal. Ça aurait pu être un petit peu plus rapide, hein, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. C'est bon là. Changer de micro. Voilà, c'est bon, je peux repartir là. Ah bah je suis parti. Voilà, c'est bon, parfait, impeccable. Ah bon, on s'est mis bien là. Vous avez rien remarqué là, non? Rien du tout, ça c'est. Je suis même. Non, c'est bon, hein. Je voilà. Pense qu'il faudra réécouter demain, mais ça doit même pas s'entendre dans l'enregistrement. Ah bah écoute, tant mieux. Bon, alors, du coup, Benjamin, recommençons donc. Tu voulais réagir par rapport à Aurélie, toi on t'écoute. Ouais, voilà. Alors en fait, je pense qu'il doit avoir deux problèmes. Ouais. Le premier, c'est que. Et le deuxième. Voilà, donc le premier, ça va être, je pense que la taille de la bite de son collègue, enfin de son chéri, elle doit être tellement petite qu'il veut passer par derrière pour pas qu'elle puisse le voir. Ouais. C'est bon, hein, très convenable. Hein. Ouais. Ah, peut-être, bon, que, peut-être qu'il a pas envie, hein. Effectivement, il a peut-être raison. Hein. Qu'est-ce que t'appelles le convenable? C'est-à-dire complexé, peut-être. Attends, on t'entend plus. Non, très convenable. Un bon 17, bien large, c'est bon. D'accord, ok, bon, très bien. Un bon 17, bien large et tout, très bien, ok, d'accord. Et toi, Benjamin, là, pourquoi tu dis ça? Parce que tu t'y connais bien là-dedans? Toi, t'as une petite bite? Non, moi, t'inquiète, moi. Moi, t'inquiète, elle le fait 25 cm, il n'y a pas de problème. Non, mais peut-être, il y avait des messages qui arrivaient en disant peut-être qu'effectivement il est devenu gay. Les messages qui reviennent le plus souvent, c'est ceux-là. Hein. Il est certainement devenu gay, etc., etc. C'est vrai que c'est bizarre de vouloir absolument passer par derrière quand même. Ouais, mais enfin, je vois pas le rapport. C'est pas parce que tu veux arrêter de baiser des meufs, c'est tout. Non, mais après, il y a d'autres solutions aussi. C'est-à-dire? C'est quoi? C'est-à-dire, peut-être que tu es portugaise, enfin, t'as des origines portugaises qui font que t'es poilu et qu'il y a des morpions qui restent bloqués. Qu'est-ce que tu racontes avec cette vanne raciste, non, Benjamin? Moi, j'ai bien aimé. En tant que portugais, je te bannis de l'antenne, Benjamin. Ça veut rien dire en plus. Je suis désolé, mais peut-être. Mais non, mais c'est idiot. Tu as tourné dans tous les sens, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas ça. Non, Après, personnellement, si elle a la forêt vierge devant, généralement, il y a la forêt vierge derrière aussi. Oui, c'est ça, parce qu'elle va pas. Elle va pas sans l'autre. Hein. C'est clair. Bon, attends, on va prendre Mélanie également de Courcelles. Mélanie. Salut. Salut Mélanie, ça va bien? Ça va bien et vous? Bon, oui, très bien, ouais. T'as jamais eu le problème d'Aurélie, là, par hasard, non? C'est-à-dire? Eh ben, en fait, il y a son mec qui veut que l'enculer, quoi. Un chat. Non, c'est poétique, moi j'ai aimé. Mais non, mais c'est vrai, il veut plus faire de pénétration vaginale, il veut passer que. Par l'anal. Voilà. Et moi c'est le contraire. Ah, toi t'aimerais bien qu'il passe par l'arrière, mais il veut pas. Polo at funradio.fr. Mais non, c'est lui qui aimerait bien, mais c'est moi qui ne veux plus. Ah, d'accord, t'as déjà essayé, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que bon, je ne le fais pas assez souvent en fait. Je ne le fais pas assez souvent, donc quand il veut le faire, ça fait mal. Mais après tu peux le faire, même si tu le fais pas souvent, le truc c'est de pas y aller comme un bourrin, quoi. Il te prépare mal. Voilà, il faut, parce que oui, je rappelle qu'il faut préparer tout ça. Bien sûr, hein, c'est beaucoup. Ou peut-être qu'il y a une autre solution encore. Ah, il connaît pas la préparation. Si c'est un sauvage, alors évidemment, on peut rien faire. Freddy, qui est un ami à nous, a dit à Toff. Il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit, Toff? Il faut la préparer en anal. Voilà. Exact. Et d'ailleurs, quand il fait les films, il aime bien préparer lui-même en anal. Voilà. Ouais, il vaut mieux qu'il prépare lui-même, effectivement. Bon, très bien. Alors, si vous avez d'autres propositions également pour Aurélie, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vois pas trop d'autres solutions, hein. À part lui dire que t'as. Vas-y, c'est quoi? Ben peut-être que en fait une fois ils ont fait l'amour et peut-être qu'elle lui a dit des mots qui lui a pas plu et depuis il est allé s'entraîner avec ses collègues. Toi t'as un problème. T'as en fait, des idées bizarres, Benjamin, toi. Hein. Ah non, mais moi les idées, c'est comme ça que ça vient, hein. J'y peux rien, moi. Ouais, mais y a pas de problème. Mais sinon, Aurélie, à part lui dire que t'aimerais bien varier un peu les plaisirs, je pense que. Mais ça c'est déjà fait, quoi. Eh ben tu lui imposes alors, il y a un moment ça doit se faire à deux aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, tu lui dis une fois sur deux pour commencer. C'est juste qu'il n'a plus de plaisir par devant, quoi. Enfin, il préfère par derrière, quoi. Mais à ce moment-là, si lui fait pas d'effort, si la seule solution c'est que tu le vis, oui, et tu prennes un autre mec, hein, que je te dise, moi. Je vois que ça. C'est la vie d'âge. Ouais, j'y tiens quand même, hein, mon gars. Bah oui, il y a Sébastien qui dit pour Aurélie, c'est simple, son homme ne veut justement pas être papa. Oui, alors évidemment, là, comme ça, c'est un des. Pas trop maillé. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Mais ce serait bien qu'on l'ait aussi à l'occasion, hein, Aurélie. Ce serait bien qu'on te rappelle éventuellement si on peut la voir, ne fût-ce que pour lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il veut passer par derrière tout le temps, quoi. Ah oui, on l'appelle. Ouais. Bah ouais. Mais là, pas ça, parce que là, il est pas là. Non, mais c'est ce que je dis, à l'occasion. Ouais, peut-être. Bah voilà. Déjà que j'en parle avant et après, ouais. Mais oui. On rappelle à deux et voilà. Eh ben voilà, c'est une bonne idée, tiens. Bah, Sandro va te rappeler, t'inquiète pas, on va essayer de gérer ça, y a pas de problème. Ouais. Bon, peut-être. Bah, bisous Aurélie, je t'embrasse. Ouais, de même chose. Salut. Merci pour Mars, hein. Eh ben, avec plaisir, Aurélie. Ciao à toi. Benjamin, merci à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ok, ça marche. Salut. Ciao. Et puis Mélanie et Kevin qui voulaient réagir aux extraterrestres. Eh ben, on fait ça juste après. Le son de Martin Garrix avec Wizard. Et il y aura Polo contre le reste du monde également. Dans quelques minutes, si vous voulez participer à cette grande émission où il y a un animateur qui vous écoute, qui est à votre écoute. Je vous aime. Qui est là pour vous conseiller. C'est un petit peu le psy de la radio. N'hésitez pas à vous appeler maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Félix sur Fun Radio, c'était Wizard. Il y a le prince qui dit j'adore l'idée des Jeux Olympiques, Mickaël No Limit. Oui, eh ben, tu verras demain, tu vas voir que tu verras demain. Voilà, il y a Margot qui dit il préfère l'avant, il préfère l'arrière à l'avant car il doit avoir plus de plaisir que l'avant. Non mais ça d'accord, ça je veux bien l'admettre, mais de là passer tout le temps au même endroit, ouais. c'est comme la bouffe, il y a des trucs que tu kiffes, mais il y a un moment où tu bouffes toujours la même chose. Non mais t'en as plein de cul quoi, ouais. Voilà. Il y a le Bœuf Ferré qui dit son mec est sponsorisé par Benko, Secretly qui dit les Jeux Olympiques No Limit, toi va-t-il enfin remuer son tas de gras, 69 degrés qui dit sacrée émission, il y a même les JO, la pété de rire, Let's Be Freaks qui dit mon Tof peut-être le pire homme du monde, je l'aimerais toujours. Ah oh, quelle horreur. Ouais, okay. Et Mugiwara qui dit aussi la planète fun de Mickaël reste de loin la meilleure mais sans Tof. Sympa. Et Mystique qui dit moi je garde toujours mon portable à la main quand je suis dehors. Et Inyul Piu Piu qui dit quand il est tard, moi je cours pour rentrer chez moi. Et Fred S34 qui dit moi j'y cours. Je crois pas du tout aux ovnis. Bon, très bien, bah justement, on va en terminer sur les ovnis, là, avant de faire polo contre le reste du monde. On va terminer avec Mélanie de Courcelles. Mélanie, tu es là, Mela? Oui, je suis là. Très bien. Alors, toi, les ovnis, justement, on en parle. T'y crois, t'y crois pas? Oui et non. Ah ah. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben, oui, avec tout ce qu'on montre, ça commence à devenir réel quand même. Et non, parce que je sais pas, ça m'a l'air d'être bizarre quand même, ils sont loin. Ah ouais, donc on a bien fait avancer le débat là. Ouais, parce que mais Charleroi c'est une base, hein. Tu sais que Charleroi c'est une base de d'OVNI. Ouais. Non mais, donc tu dis, ouais j'y crois un peu parce qu'avec tout ce qu'on nous montre on finit par y croire, mais en fait j'y crois pas trop. Non, franchement non. Non mais pourquoi t'y crois, qu'est-ce qui fait que t'as envie d'y croire? Je ne vais même pas vous expliquer. Ah. De là où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils font pour respirer? J'ai un copain qui est à côté de moi qui est en train avec de leur nez et là. Mais non, mais l'oxygène, je veux dire. Non, mais ça se trouve, comment ils n'ont peut-être pas besoin d'oxygène. Bah ouais. Regarde, Tof, il respire bien avec de la merde. Voilà, c'est ça. Tof, c'était une espèce de. Ah, Polo fait rire. Bah, j'adore, vous allez rester longtemps. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas besoin non plus d'oxygène. Ah, c'est sûr, mais bon, je sais pas comment ils font. Eh ben, peut-être qu'ils respirent. Ils sont pour venir nous voir, sinon on sait pas les voir. Ça aussi, c'est comme les. Je pense que c'est Fred qui avait parlé de ça par rapport aux étoiles. Ouais. Bon, nous, on ne sait pas aller jusque les étoiles. Pourquoi eux, ils savent venir jusqu'à nous? On ne peut pas. Oui, mais alors déjà, première chose, c'est que peut-être que techniquement, ils sont plus avancés que nous, on sait pas. C'est-à-dire, tu voudrais dire qu'ils seraient plus loin dans la course? Mais non. Je veux dire, ils ont peut-être des machines qu'on n'a pas et des ouais des vélib ouais. qui ils ont des ouais mais les vélib là-bas c'est les vaisseaux en fait c'est ça c'est les vélib mais en vaisseau pas en vélo. C'est-à-dire que tu vois, nous on est encore comme des cons avec des vélib, des vélos. Eux sont en vaisseau ouais. Libre avec la carte et tout, paf, ils tapent, ils arrivent avec une carte exactement Galaxy Express. Ouais. Voilà, et tu crois et que les taxis là-bas ils font grève ou pas? Les taxis. Certainement, il y a plus de taxis là-bas, c'est la téléportation. Voilà. Non, c'est des vaisseaux avec chauffeur. Oh, c'est génial ça. C'est la soucoupe. Voilà. La soucoupe, exactement. Ouais. Non, bon. C'est rien, ça se trouve, c'est des galériens, ils ont rien du tout. Ah, mais ça se trouve, c'est ça. Tout, mais ça se trouve, ils ont rien. Hein. Ça se trouve, ils sont encore en train d'essayer d'allumer du feu. Hein. Non, mais on sait pas. Bon, attends, il y a Kevin aussi de Saint-Etienne là. Salut Kevin. Salut. Ça va? Ouais, toi et vous? Très, bah tout le monde va bien, t'inquiète. Hein. Bienvenue ça Kevin. Alors Kevin, j'ai un peu mal au dos, si ça vous intéresse, non? Je pense que tout le monde s'en fout. Ah d'accord, pardon. Voilà. Bon, donc Kevin. Ouais. Bon, alors vas-y, explique-nous, toi, pourquoi t'y crois, si t'y crois déjà. Non, j'y crois pas, moi, c'est que des conneries. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est comme les cons qui ont cru à la fin du monde, le 21 décembre 2012. Bah d'ailleurs, on est tous morts, hein. Ouais, on est tous morts, regarde, les cons qui ont acheté des maisons en béton et tout pour survivre. C'est des conneries, ça. Ah bah oui, non, mais maintenant on peut le dire, mais avant on peut pas le savoir. Enfin bon, même si on avait un gros doute, hein, mais... On n'a pas de preuve que les ovnis ça existe aujourd'hui, hein. Des objets volants non identifiés, on a la preuve que ça existe. De là, ouais, ce qui vient d'une autre planète, ouais. C'est autre chose. Mais après toi t'as la preuve, t'as Tof en direct, donc voilà. Ouais, c'est bon. C'est ça, c'est l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'effectivement nous on le voit. Ouais, mais c'est parce que moi, on a du concret, nous, quoi. Moi j'étais sur une planète, ils m'ont jeté aux ordures et je suis tombé ici. Exactement, ouais, vas-y, tu peux, ouais. Ouais. Bon, c'est complètement dingue les gars. On vous avait dit qu'il venait d'une autre planète, on n'a pas menti. Hein. Vous êtes au top les gars, vous êtes au top. Il est là. Juste je voulais dire un truc à Mélanie, si elle veut plus d'infos sur les extraterrestres, elle peut aller rue de la zone 51. Parce qu'à Charleroi, il y a la rue de la zone 51. Ok. Et bon, on va aller avec Polo ce week-end. Hein, rue de la zone 51. Non, je veux mourir. On va y aller tous ensemble. Je veux partir de ce monde. Moi, j'aimerais bien savoir quand même quel est le mec qui s'est dit on va appeler une rue à Charleroi, rue de la zone 51. Ça, c'est bon, ça. Bon, bah merci Mélanie et Kevin. Là, on a bien fait avancer le dossier, là. Ouais, Kevin. Ouais, quand est-ce que tu viens en type? Alors Antibes, bientôt Kevin, là on va faire ça, mais plutôt du côté de l'été, hein, printemps été. Ah bah c'est, oui bien sûr, bah, ouais, comme tu veux. Bah oui, on va pas gâcher Antibes au mois de février, tu vois, ce serait con. Ah non, ce serait très con, ouais, mais bah, passer cet été. De quoi tu dis? Passer cet été, ça ferait plaisir. Ah mais t'inquiète pas, mais évidemment, mais ça nous ferait plaisir de vous voir aussi. Non, en fait, on s'en branle, on vient juste pour la plage, hein, faut qu'on soit franc. Ah, bah oui, non, je plaisante, hein, Bon, ben bah, merci en tout cas pour l'invite. Mais pourquoi tu nous invites à Antibes alors que t'appelles de Saint-Etienne, toi, Kevin? Parce que je suis à Saint-Etienne, là. Mais t'es d'Antibes à la base. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, en ok. En tob, c'était Sandro qui avait modifié le nom. Bon, ben bah, merci vous deux en tout cas, à bientôt. Hein. Allez, ciao, merci. À bientôt. Salut Mélanie. Un petit cadeau? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Super, merci. Salut Mélanie. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, et eh ben il est l'heure là, hein. On va se faire dans quelques minutes évidemment le générique de fin. Mais avant cela, il y a bien entendu cette grande émission qui est Polo contre le reste du monde. Avant ça, il y a aussi Tristan qui envoie un message, morderait l'autre compte Toff, là il m'a tué. Le Tongu du web qui dit Polo ferme femme qui rit à moitié dans Franprix. Et un duel Piu Piu qui dit respire bien avec de la merde. J'aurais pas dit mieux, dis moi-même. Et Jojo Cétude qui dit ça promet les qui vont démarrer. Et Manon également, même la nuit, on s'ambiance avec vous. Merci Manon en tout cas, merci beaucoup. Bon, c'est parti pour Polo contre le reste du monde. Ouais, on y va. Comme tous les soirs, on a un peu la bourre. Normalement, c'est 1h55, 2h. Bon, bah là, on est à 2h. On est pas mal non plus. Hein. C'est parti. Donc, ce vrai animateur qui est là pour vous écouter tous les soirs. C'est vrai. Il est là pour parler avec vous, pour vous écouter. Il a de la discussion. Il a que ça. Exact. Oui, il n'a que ça aussi, effectivement. Allez, on y va. C'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. C'est maintenant et c'est maintenant. On commence tout de suite. Qui es-tu? Mélanie? Oui. Tu veux quoi? Je veux quoi? Bon, allez, vas-y, casse-toi. Michou! Ouais! Je t'écoute, Michou! Je suis un extraterrestre. Ah bon, et tu viens de quelle planète, Michou? Je viens de la planète Tub. Ah bon, oui, comment c'est? Elle est dans quelle forme, cette planète? Elle est en forme de Tub, figure-toi. Et qu'est-ce que vous faites sur cette Tub? Eh ben, il suffit juste que tu viennes la voir. Bon. Ok, Michou, merci. Kevin! Ici, téléphone maison. D'accord. Alors, on va faire du X sur Mars. Oh, qu'il est mauvais. Oh, Kevin. Ouais. T'es mauvais. Eh oui, je suis mauvais. T'en as conscience. Ouais. Et pourquoi tu viens ici alors? Ah, parce que je vous kiffe les gars. Ok, merci. Michael. Ouais. Ah, ouais. C'est pas moi. Comment tu vas? Ouais, bien, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Que nous vaut le plaisir de ta visite dans mon standard. J'ai pas de copine. T'as pas de copine? Non. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, je sais pas, on trouve une. Tu veux que j'en t'en trouve une? Ouais. Demain, on fait ça demain. L'extraterrestre dans Polo contre le reste du monde. Oui, je ne comprends pas. Allô? Oui, allô? Le faisceau interstellaire est coupé. Allô, l'extraterrestre? Je ne te comprends pas. Michou, le retour dans Polo contre le reste du monde. Alors, dans notre planète, en fait, ouais. Tu devais venir. Ouais. Et pour la tester, t'aimes pas les tubs? Ah non, j'aime pas ça. Oh, la seule top que j'ai. Bah, j'en ai une sur moi et puis bon, j'en suis pas fan, hein. Alors, elle est là. Regarde l'extraterrestre top, comment il parle. Ouais, d'accord. Kevin. Oui. Allez, venez dans mon ovni, je vous emmène, les gars. Tu vas où? On va aller voir les filles dans le X. D'accord. Mickaël, le retour. Oui, ça va. Ça va et toi? Ça va. Oh, bah, mais qu'est-ce qu'il est bête, il rigole à ses propres vannes, c'est pas drôle. Non, c'est eux qui me font rire. Qui te fait rire? Qui, eux? Avec les extraterrestres. Ok, d'accord, Mickaël, tu fous de moi en plus. L'extraterrestre, le retour. Je comprends pas. J'ai besoin d'un traducteur. L'extraterrestre? Vous venez de quelle planète? Parfait, de retour dans Polo contre le reste du monde. Michou! Michou! Michou, mais qu'est-ce que tu fais, Michou? On se branle sur la planète Tub. Continue à vous branler. Kevin. Est-ce que je suis tombé? Est-ce que je me retourne vers le standard? Ce standard minable et ringard. Est-ce que vous m'avez mis avec le standard d'un asile, là, où je suis? Pas du tout, on a mis les gens qui voulaient passer dans ton émission. Bon, on a les auditeurs qu'on mérite, Polo. C'est vrai. Retour, Michael. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai pas de copine, j'arrive pas à en trouver. Mais je m'en fous, d'accord? Je m'en fous. l'extraterrestre. Oh là là, putain, je fais une pause. Michou. Ouais. Allez, fous le camp, Kevin. Ouais, je peux avoir un truc pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît. Ouais, tiens, qu'est-ce que tu veux? Le pack, là, qui va. Ouais, bah tu l'auras pas, dégage d'ici. Mickaël, pour terminer, dans ce polo contre le reste du monde. Ouais, j'aurais bien trouvé une copine, mais bon... Mais qu'est-ce que tu... Je ne peux rien faire pour toi. Tu vas dans la rue, tu vas voir une fille, tu lui demandes. J'arrive pas. Mais tu lui demandes. J'arrive pas à communiquer. Eh ben, communique. Mais bon, je vais essayer pour toi, hein. Mais tu peux parler à une fille, lui dire bonjour, tu sais faire ça? Oui, je sais faire, mais après j'arrive pas plus loin. Et bah tu dis ce que tu suces. Ah, ça, je sais pas, avec une carte, hein. Bah tu essayes, d'accord? Ok, chef. Tu reviens demain pour me dire ce qui s'est passé. D'accord, chef. Allez, casse-toi. Et pour terminer, l'extraterrestre dans Polo contre le reste du monde? Nous venons en paix. Oh, il a appris à parler. L'extraterrestre? Ouais. Mais t'as parlé français, là? Nous venons en paix. Oh, quelle horreur, ça me fait peur. Allez, je t'ai viré, l'extraterrestre. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. C'était très dur. Une triste émission, c'est s'achève. C'est très dur, psychologiquement parlant, c'est très dur pour moi. C'est vrai, bah ouais. Oui, non, bah, on a les auditeurs qu'on mérite, Polo, là, on peut rien faire, là. C'est vrai, bah je voilà, c'est la vie. Bah, on peut rien faire. J'aurais dû étudier à l'école. Oui, exactement. D'ailleurs, j'espère que ça vous servira de leçon, là, pour ceux qui veulent arrêter l'école, là, un petit peu trop tôt, là. Regardez, vous risquez de finir comme Polo. Et comme nous, hein, dans l'absolu, hein, en fait, tout simplement. Ouais, mais moi, bon. C'est pire. Ah oui, probablement aussi, c'est vrai. Bon, on va se faire le top tweetos également avec... on a été en top tweet toute la soirée, donc forcément, il va y avoir du battle. Enfin, il y a eu du battle pour avoir la troisième place, puisque c'est cette troisième place qui va repartir avec le dernier pour aujourd'hui, avec le dernier donc pack My Crazy Collection. C'est les sous-vêtements au bad qu'on vous offre toute la semaine. On vous en offre plein toutes les demi-heures sur Fun Radio entre 23h et 2h du mat. Et c'est offert par... Medesous.fr. Allez, on y va. Quel est le numéro 5? Le numéro 5, c'est Paul PC28. Le numéro 4, Julien. Le numéro 2, Let's Be Freaks. Deuxième? Oui, deuxième, ouais, bah alors, ce soir. Bah, numéro 1, DJ Roms. Et le numéro 3, qui est donc le ou la gagnante, sauf si il ou elle a déjà gagné. Non, je crois qu'elle a jamais rien gagné. Eh ben voilà, c'est parfait. Mamzelle Océane. Mamzelle Océane, et bah voilà, Mamzelle Océane, bravo à toi, tu viens de repartir avec les deux sous. Les deux sous, je vais y arriver, hein. Oba, donc My Crazy Collection, offert par... Medesous.fr. Voilà, c'est ça. Ah, c'est difficile, hein, quand on change le sponsor comme ça, là. Ah, on est perdu. Je suis un peu perdu. Excusez-moi, une info capitale, on me signale que Toff est en top tweet. Quoi? Toff est en top tweet. T'es sérieux, ça? C'est véridique, il est là. Mais Toff, pourquoi? Bah, je sais pas. Est-ce que c'est un usurpateur? Non, c'est Toff de TOPH. Ah ouais, TOPH. Oh putain, cette merde. Cette merde est en top tweet. Voilà. Ouais. Ah non, je pense que c'est pas le... Ah si, c'est lui. Ouais, si, il peut y avoir qu'un seul, hein. C'est dingue. Ouais, la prochaine fois, quand vous parlez de Toff, mettez bien Toff enculé, comme ça on sait que ce sera le vrai, tu vois. Voilà, ou sac à merde. Ou sac à merde aussi, vous pouvez mettre ça aussi en top tweet, hein. C'est pas un problème. Hein. Vous pouvez voir, ouais, pourquoi pas. Faut essayer. Bon, bah, par contre, ce qui est bon, c'est quand tu cliques donc sur Toff et que tu prends la première photo qui sort, attention, ça fait mal aux yeux. Ah, c'est pas toi. Si, ça parle de moi, mais dans les photos dans le topic, il y a ça. Ah ouais, donc en fait c'est deux personnes de grosse taille. Ah, on est au-delà de la grosse taille, mais il faut parler de l'épée surtout. Oui, surtout avec l'épée, effectivement, oui. Bon, mais merci d'avoir été aussi nombreux ce soir à participer à l'émission. Beaucoup de monde encore dans le standard grâce à vous tous les soirs au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Merci d'avoir été nombreux à participer. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir sur le Facebook, sur le Twitter comme d'habitude. On se retrouve demain bien sûr à partir de 23h, mais avant de partir, évidemment, c'est l'heure de... du générique. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1. Hier, on avait fait la guitare, le générique. Hein, en live. Quand on était chez Olivier, là, à Noyon, là. Ouais, c'est allez. Bon. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu suces des bites, toi, l'enculé. Mais non. Toi, l'enculé. T'aimes tellement... Putain. Donc, qui comme toi, ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Car t'encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Je te brise les ongles, mon gars, je t'encule au passage. Où tu vas là, espèce de pervers là. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Va te faire enculer au PD. Au JB, va te faire enculer au JB. Au PD de Parisien. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Vous êtes même un dégueulasse. Va te faire enculer, gros bâtard. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Tu bouffes des bites. tu sais, toi l'enculé, t'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Eh ben voilà, merci Lilou, comme d'habitude au taquet, bien entendu. Bon allez, rencard demain à partir de 23h avec encore plein de dessous, les sous-vêtements, on vous en offre, ça vaut quasiment 100€ et toutes les demi-heures ça fait quand même un petit, ça fait 600€ par soirée quand même. Ouais. On s'est mis bien là. Hein. Non, on est pas mal. On s'est mis bien, offert par Mesdessous.fr. Évidemment, donc My Crazy Collection, ce sera demain si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est sur le Facebook que ça se passe, facebook.com/MIKL officiel. Gros bisous tout le monde et à demain 23h. Venez foutre le bordel tous les soirs. Fun Radio. Mickaël Nos Limites. On Fun Radio. Exactement, et puis c'est notre ami JB qui va débarquer là. Comment ça va les beaux gosses? Eh ben ça va plutôt bien toi. Vous m'avez manqué ce week-end. Ah ouais? Ouais. Ah c'est cool. Tu veux des soutien-gorge et un petit string au bal offert par Mesdessous.fr. Voilà. Il y a un nouveau sponsor maintenant. Bah pour l'instant ouais. On peut savoir combien ça. C'est prévu pour la semaine là. D'accord. C'est prévu pour la semaine. Moi je trouve ça bien. T'as vu, c'est avec classe. Classe, hein. On peut en avoir pour des amis? Non. Non. D'accord. Bah tu peux jouer, on en offre toutes les demi-heures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer? Rappelez-moi. Il faut que tu suces la bite au taf. Ok, je joue pas. C'est pas grave, j'ai en acheté. Pauvre JB. Voilà, payer. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Ouais, t'as raison. Non, ta gueule. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe cette nuit alors? Bah, il se passe que JB a des chaussures à clous. Quoi? D'un ridicule. Montre. Oh, mais montre-les, c'est ridicule. Bah, montre. Regarde comment il est. Regarde ça. Ah, oui, on avait déjà vu, c'est une horreur. C'est chum comme ça tout. Va. Ouais. On les avait déjà vus, elles sont laides. Ah, oh, Mickaël. Je te plais pas, Mickaël. Vraiment pas. Hein. Quand bien même je serais gay, tu me plairais pas quand même. Oh, alors là, je te le dis. Bon, qu'est-ce qui va se passer cette nuit alors? Eh bah. Déjà, on commence par un très bon titre. J'ai très peur, c'est non, quoi? Parce que les auditeurs ne comprennent pas, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai travaillé évidemment avec la direction d'antenne, la playlist musicale de la nuit, et donc du coup aujourd'hui. Rien du tout. Non, ouais. Si, si. Depuis quand t'as ton mot à dire? On respecte, s'il te plaît! Depuis quand t'as ton mot à dire? Voilà, donc attends, je montre à Polo. Polo, tu peux lire ce qu'il y a écrit, s'il te plaît, sur le directeur d'antenne, m'a dit quoi? Vendre Tropical Family. Voilà, merci. Vendre Tropical Family. On va le vendre. Qui veut l'acheter? Je le donne. Voilà, je donne 5€ au pays qui le prend. Et ben je le rachète. Voilà. Et ben parfait. Ah bah alors on y va. Alors c'est on y parfait. Va. En avant Guingamp. Et ben. Ah putain, t'as, c'est dur. Sandro, je t'ai pas posé la question. T'as eu toi mes deux sous .fr? Oui, d'ailleurs je vais les récupérer de suite. Mais bien sûr, elle va pas. Se mettre en mode taquet. Mais non. Elle va aller chez le. Comment on appelle ça ? Oh là là là là, c'est vrai en plus qu'elle dit. Et calme-toi, bien sûr qu'elle a. Cochon, va. Oh, il est au taquet là. C'est marrant, on dirait notre sous-chef. Ouais, c'est ça, il est au taquet lui, il est au taquet, il adore. Le sous-chef ? Le sous-chef, ouais, il est resté bloqué sur les vêtements, il les a sentis pour voir s'ils étaient neufs. Il les a humés. Oui, bien sûr, le sous-chef, pas le sous-chef. On parle de LSJ. Voilà, lui-même. Exactement. LSJ. D'accord. Bon, allez, vends-le bien le Tropical Family, vas-y. Ah, mais vas-y, prends-le bien. Non mais là c'est. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est pas fait de. Non mais là c'est pas fait de Legrand qui fait écouter, c'est Tropical Family. Ah bah c'est Tropical mais Family moi, qu'on Tropical écoute Family. Maintenant. Le morceau est énormissime, on l'écoute maintenant, c'est sur Fun Radio, le son d'Anne Floor, ça déchire tout sa mère. Oh là Tropical là. Family maintenant, Enamoramé, et ça c'est bon ça, écoutez. A demain, à deux pieds. Allez, hop.